20h, yeah. 22h, okay, yo. C'est la libre antenne de Fred. Sur Radio Sandy et sur RCM 97.6. Et non, mais je rêve là, mais tu vois la bouger ta caisse. L'accélérateur, c'est la pédale de droite, nom de Dieu. Oups, hey, vous avez pas vu les amis? On m'a dit que la libre antenne de Fred commence dans même pas 2 minutes. Allez, jingle. Ta radio va passer dans quelques secondes en mode à donf maximal. Et ouais, et tu vas tellement rire que même ta mère va vouloir écouter. Ne touche plus à rien, car l'animateur le plus déjanté du web débarque. 5, 4, 3, 2, 1. 20h, 22h, c'est la libre antenne de Fred. À vous les studios, réveillez-moi la France. Bonsoir le web, bonsoir les amis, vous allez bien ce soir? Oui, moi j'ai la pêche, hein, j'ai la forme à chaque fois que je suis en direct à 20h passé dans la libre antenne de Fred sur Radio Saint-Dié. Je pète la forme, j'adore. Ce soir on a du gros programme ce soir dans la libre antenne. Hein. On va être en direct dans quelques minutes de Belgique. Elle s'appelle Olive. Olive, ah oui, la chanteuse Olive qui est de Belgique et qui a fait The Voice il n'y a pas si longtemps que ça, je crois, il faut que je regarde dans mes fichiers. Elle nous parlera de ses débuts aujourd'hui, de son nouveau single qui s'appelle À ma façon, qui est super top, j'adore en plus, et elle nous parlera de ses prochains projets en 2021-2022. À la deuxième heure, je recevrai à partir de 21h la chanteuse Carla Stark. Elle nous parlera aussi de ses débuts à aujourd'hui, de son single, alors attends, j'ai pas mes lunettes, hein. Short Kite No Bra, voilà. J'ai pas mes lunettes, faut que j'aille mettre mes lunettes. Et nous parlera aussi de son nouvel EP qui s'appelle C, un C comme C majuscule, qui est vachement bien aussi. On fera découvrir des titres ce soir de son nouvel EP. Et nous parlera aussi de ses prochains projets en 2021-2022. À la troisième heure, à partir de 22h, je recevrai la chanteuse Neven que j'ai découvert sur le site Groover. Elle nous parlera de ses débuts à aujourd'hui, de son single Docile et de ses prochains projets en 2021-2022. Nous, on va aller écouter non pas le nouveau single de Olive qui s'appelle À ma façon, on va écouter le celui d'avant qui s'appelle Ça roule, et on arrive juste après avec Olive en direct de Belgique. Plus d'un millier de voitures brûlées à la Saint-Sylvestre cette année. Le préfet se félicite cependant de l'absence de débordement. Les sondages de popularité ont été effectués avant, donc tout le monde il est content. Ça se joue à quelques pourcents. Ça roule tranquille, ça roule, c'est confortable et très pratique. On va se poser en douceur. Ça plane après, ça plane, on sera à temps pour le pique-nique au soleil dans quelques heures. Je vais pas flipper comme une conne si dans le cockpit y a plus personne. Ça plane après, ça plane. Le nombre de sans-abri vient juste de doubler, le thermomètre descend. Mais faut surtout pas s'inquiéter, merci le réchauffement. Et puis elles sont toujours super bien habillées, les femmes des présidents. L'homme a su briser ses chaînes, abattre les frontières, les remplacer par des murs anti-immigrés, anti-haine. C'est vrai qu'à présent, tout le monde s'aime, on est tous frères. Tout le monde aime tout le monde, mais y'a plus aucun indien sur les plaines. Ça roule, c'est confortable et très pratique. On va se poser en douceur. Ça plane après, ça plane, on sera à temps pour le pique-nique au soleil dans quelques heures. Ça roule tranquille, ça roule. Tout va mieux parce que tout bien, parce que c'est comme ça qu'on nous le vend, qu'on donnerait un os à un chien, parce qu'on n'est pas intelligent. Le capital est en roue libre, les utopistes bien surveillés, complotiste dans un difficile équilibre. Et vous et moi, entre tout ça bien emmerdé. Ça roule, ça roule. Et tout le monde il est content. Ça roule, ça roule. Et tout le monde il est content. Ça roule, tout le monde il est content. Ça roule. Ça roule de la chanteuse Olive et elle est avec nous ce soir en direct de Belgique, j'ai envie de dire. Bonsoir Olive, ça va ? Et bonsoir, oui merci. Ah, bah, je suis très content et en plus, elle a un micro d'enfer, un casque d'enfer et une voix d'enfer. Alors là, on peut dire que tu es carrément dans le studio de Radio Saint-Dié. Hein. Et je crois que c'est ta première interview en France. Tout à fait. Toute première fois. Ah ben on va toute la bijouter. Première, ouais. Je m'en souviendrai. Elle a reçu les questions. Je lui ai envoyé les questions. Je suis sympa, hein, tu vois. Je t'ai envoyé les questions. Donc, je vais les mettre sur le second. Ah bon, non, je te vois. Alors, mais je mettrai ma cam pour tout à l'heure à la pause musicale quand on écoutera ton nouveau single. Et moi, il n'y a rien de mieux pour te présenter, c'est de te laisser te présenter aux auditeurs de Radio Saint-Dié et de RCM aussi, qui sera, l'émission sera diffusée le 29 mai aussi. Comment tu te présenterais, Olive ? Et moi, ah, j'ai oublié. Et comment a débuté l'aventure dans la musique pour toi, Olive ? Parle-nous un peu. Voilà. Ouais. Donc, l'aventure elle a démarré il y a une petite quinzaine d'années. Ouais. Parce qu'en fait, pour gagner un peu de sous, pour me payer mes études, je travaillais comme étudiante dans un karaoké. Mmh. Et mon rôle, ma mission n'était pas de chanter, mais de servir les gens. Et puis, quand il n'y avait pas trop de monde, bah, alors on... Tu chantais. On se faisait un petit plaisir, les autres et moi. Et voilà, on chantait un petit truc. Et un soir, il y avait une nana qui était là, qui était chanteuse dans un petit groupe. Ouais. Et donc, elle est venue me voir dans les toilettes. Elle me dit, voilà, j'ai adoré ta voix, est-ce que ça t'intéresse de... Et donc, voilà, les choses ont commencé tout à fait par hasard dans les toilettes d'un karaoké. C'est glamour, quand même. c'est très glamour, quoi, dans les toilettes d'un karaoké. C'est la première fois que j'entends ça. J'adore. Quels sont les artistes qui t'ont influencé dans ta carrière musicale, Olive ? Alors, ça dépend des périodes, parce que quand j'étais plus petite, ma mère, elle écoutait énormément de country. Ouais. Et aussi beaucoup Elvis Presley. Donc, j'ai baigné dans la musique anglophone, ça c'est sûr. J'étais vraiment éloignée de la musique française. Mmh. Et voilà, dans mon adolescence, j'ai beaucoup aimé Alanis Morissette, les Cranberries, ce genre de musique pop-rock, toujours dans l'anglophone. Mmh. Puis le rap et le R&B m'a assez bien parlé à l'adolescence aussi. Ouais. Et par contre, voilà, depuis un certain nombre d'années, j'adore toujours ces musiques-là, mais je vais un petit peu de partout, moi, en fait. C'est un petit ramassis d'affluence à gauche, à droite, comme ça. Mmh. Mais plutôt les musiques très organiques, comme Norah Jones ou John Mayer, Clapton. Ah, Eric Clapton, tout ça, bons, ça, c'est des bons. Comment tu définirais ton univers musical, Olive ? Ben, à la fois doux et amer. Ça, c'est vrai que je m'en rendais pas compte trop dès le départ. Mmh. Mais il y a vraiment de ces deux aspects-là dans le projet et dans ma personnalité. Donc, il y a vraiment une part très tendre, très douce et qui aime la poésie, la nostalgie. Mmh. Et puis, il y a une autre part à côté, le petit bout de femme rigolote, très bon public, voilà. Et moi, j'adore l'humour, j'adore les petits pics un peu pas sans rire comme ça aussi, pouvoir rire de tout, je veux dire, mais avec légèreté. Mmh. Voilà, c'est un petit peu ces deux aspects-là. Et comment tu donnerais envie aux personnes qui te connaissent pas d'écouter ta musique, Olive ? Bah, je leur dirais que si jamais si jamais elles aiment les chansons à texte, ouais, à la fois profondes et légères, qu'elles aiment justement le côté organique d'une voix ou même d'un arrangement musical, mais aussi la modernité d'aujourd'hui, ouais, Bah alors que ce serait peut-être intéressant qu'elle, ouais, qu'elle s'intéresse à. D'aller jeter un petit coup d'œil. Ouais, aller écouter un peu. D'aller faire un petit tour sur sa chaîne YouTube et d'aller regarder les clips. Hein. Donc, il y a les clips Ça roule et À ma façon. Donc, À ma façon, on l'écoutera tout à l'heure. Il est bien le clip À ma façon, j'aime bien moi. Je l'ai partagé cette semaine hein, sur la page de la Grande Antenne de Fred. Il est vachement bien. On en parlera tout à l'heure. Ce qu'on va parler là, on va parler Olive. Ton pseudo en tant que chanteuse, pourquoi tu as choisi Olive ? Je voulais vraiment, mon prénom à moi, je le trouve pas très artistique, donc voilà, je voulais pas de toute façon emprunter mon véritable nom. Ouais. J'avais vraiment besoin d'adopter une enveloppe qui représente ma personnalité et humaine et artistique. Mmh. Et aussi, j'avais vraiment le désir qu'on puisse retenir très très facilement mon nom d'artiste. Voilà, que ça nous réfère vraiment à quelque chose qu'on arrive à se représenter. Ouais. Et à retenir. Et voilà, vu que moi, comme je disais, je suis quelqu'un de très jovial, qui aime le partage, les apéros, le vivre ensemble, différentes cultures, le soleil, la bonne humeur. Ouais. Et aussi assez fière d'être femme. Et voilà, le livre, c'est féminin. Et puis, ça représente un petit peu tout ce que je viens d'énoncer. Mmh. Et puis, voilà, je suis un peu un estomac sur pâte aussi. Donc, ça fait un petit moment que je savais que ça serait alimentaire, en tout cas. Et là, on arrive à tes deux singles. Est-ce que tu peux nous présenter ces deux singles qui s'appellent le premier ça roule et le tout dernier qui est sorti il n'y a pas très très longtemps qui s'appelle À ma place. Et qu'est-ce que ça raconte ces deux singles ? Donc Ça roule, c'est plutôt une chanson un peu plus coup de poing. Mmh. On fait le constat des difficultés, des fragilités de nos différentes sociétés dans ce monde. C'est vraiment une observation des difficultés qu'on rencontre et en même temps avec cette réflexion plus amère du déni, je vais dire, dans lequel on s'installe confortablement tous. Mmh. Voilà, parce qu'on a beau être conscient des difficultés qu'on n'arrive pas à dépasser, le confort personnel nous obsède et nous domine. Et voilà, donc on... On perpétue sans cesse ce cercle vicieux, je vais dire. Donc ça, c'est plutôt Ça roule. Mmh. Par contre, À ma façon, on est dans une chanson plus légère. Ouais. Toujours quand même avec ces jeux de mots, ce texte, cette espèce de jeu avec la langue française. Mmh. Et voilà, qui vient vraiment lancer le message de l'importance de s'affirmer, d'être soi-même, d'assumer ses choix, d'aller au bout de ses désirs voilà, de mener sa vie comme on l'entend. Ouais. Et avec aussi un petit clin d'œil comme ça, un peu plus féministe sur la fin, où on précise cette vérité indéniable que les filles ont toujours raison. Eh bien nous, on va l'écouter À ma façon, le nouveau single de Olive, et on revient juste après. Bien sûr, il y a sur le chemin des tas de donneurs de leçons. Des bons amis, très bons à rien, de ceux qui vous tirent vers le fond. Mais personne n'a le mot de la fin quand je prends seul mes décisions. Ton avis n'est que le tien, j'aime faire les choses à ma façon. Oh, à ma façon. Aléas et cet humain, des attentes, des déceptions, des guignols et leurs baratins, on en croise tous. Des millions, des hauts, des bas, puisqu'il faut bien, mais rien qui altère ma passion. Pas de paille dans l'œil de mon voisin, je vois les choses à ma façon, à ma façon, à ma façon, à ma façon. À ma façon, à ma façon, à ma façon. J'ai toujours. Je ferme les paupières, que je cède à ton admiration. ma façon, ma façon. J'ai toujours raison, raison, raison. À ma façon, ma façon, ma façon. À ma façon, ma façon, ma façon. Oh, oh, j'ai toujours raison, raison. J'ai toujours à ma façon, ma façon, ma façon. De toute façon, à ma façon, ma façon, ma façon. Il vient toujours raison. Ça vient de sortir aujourd'hui, c'est Kungs, et on a écouté juste avant le dernier single de Olive qui s'appelle « À ma façon ». C'est facile pour moi parce que j'ai l'historique qui est sur le deuxième écran, donc je vois tout. On est toujours avec Olive, ça va ? Ouais, toujours. Ça va, bon, elle n'a pas eu peur, j'ai mis ma cam, elle n'a pas eu peur, elle n'a pas sursauté, donc ça va. On était où dans les questions ? On a été ici. Est-ce que tu as en projet de faire un album ou un EP prochainement, cette année ou en 2022, est-ce que tu as ça en projet ? Et qu'est-ce qu'on va retrouver dedans, tiens ? Bah oui, forcément, j'ai envie de pouvoir concrétiser un petit peu et rassembler les différentes sorties, même si pour le moment, il n'y en a eu que deux. Mmh. Mais le troisième titre est déjà prêt, ainsi que le quatrième. Voilà, donc ça va continuer à arriver comme ça, à intervalles réguliers. Ouais. Et c'est vrai qu'allez, le kiff quand même de pouvoir mettre tout ça sur un support physique et puis, voilà, si c'est possible aussi de les faire arriver dans les maisons pour que les personnes puissent écouter mon projet chez elles, dans leur canapé, que sais-je, devant leur feu à bois, je sais pas. Donc voilà, oui, c'est en projet. Maintenant, la date exacte, ça, je sais pas. Je sais pas encore du tout si ce sera en 2021 ou début 2022. D'accord. Et le troisième titre, t'as une date ? Oui. Donc je sais pas. Alors oui et non, parce que il y a un troisième et un quatrième. En tout cas, une chose est sûre, c'est que le 20 août, il y aura une sortie. Ah, bah le 20 août. Donc, est-ce que ce sera le 3 ou le 4? Ah. On verra. Parce qu'il y a peut-être un petit qui va venir se faufiler avant. Ah. Voilà, mais j'avance vraiment pas à pas. Je suis en autoproduction, donc je fais un peu à ma sauce en fonction de comment ça se passe au niveau de mes intuitions et des possibilités aussi. C'est toi qui gères tout, quoi, en fait. Hein. C'est toi qui... Bah, bravo, hein, parce que c'est du bout de travail, hein, franchement. Merci. Et moi, j'aime bien écouter Olive, hein, franchement. C'est vachement bien, quoi. C'est très, très, très réussi. Je suis en train de descendre des questions. Là. Ah, non, oui, parce que je sais pourquoi je les ai descendues un peu plus bas, parce qu'on va parler de ce virus de mes deux qui s'appelle Covid-19, qui est encore plus célèbre que David Guetta, que Koons, que tous les autres DJ, qui affecte énormément le monde culturel, et même encore maintenant. Comment tu vis, toi, cette situation en tant qu'artiste et la situation actuellement en Belgique, elle est comment? Vous êtes confiné, déconfiné, couvre-feu, pas couvre-feu, 10 heures? On ne sait plus, hein. On ne sait plus. Vous ne savez plus, hein. Non, ici, on n'a plus de couvre-feu depuis plusieurs semaines déjà. Et puis, depuis le 8 mai, les terrasses sont réouvertes, les magasins sont ouverts, etc. Mm-hmm. Mais ça reste encore fort restrictif au niveau notamment des lieux de rassemblement et de convivialité. Et au niveau des concerts, on commence seulement à réautoriser des choses, mais franchement, c'est un flou total. On ne sait pas exactement les configurations autorisées, quoi. Donc, même au niveau des festivals, etc., ici en Wallonie, parce que la Belgique est scindée en plusieurs parties. Ça se passe différemment en Flandre et en Wallonie, par exemple. Au niveau des festivals d'été, tout s'annule, quoi. Tout s'annule. Donc, on est dans une obscurité assez... incroyable, oui. Ah, c'est dingue, quand même. Vraiment. Vivement ça revienne, quoi, quand même. En France, ça commence quand même, hein. Ça commence un petit peu à se débloquer, pour l'instant. Ouais, j'ai vu, et puis je vois pas mal d'artistes français qui communiquent pas mal de dates. Les nouvelles dates, il y a les plus grands, c'est vraiment pour 2022. Il y en a qui vont essayer peut-être pour cet été, mais c'est pas trop gagné. Faut pas trop créer victoire, comme j'ai dit. Ouais, parce que je voyais même Jean-Louis Aubert qui annonçait des dates pour... Pour juin même déjà, donc je me dis, c'est chouette chez les Français, ça se débloque. Ouais, parce qu'ils pètent un câble, tous les artistes français, ils pètent un câble. Ils n'en peuvent plus des live streams. Oui, c'est sûr, parce que notre vie d'artiste, là, on la vit au travers des écrans, en des vidéo, dans les studios. Donc c'est vrai que c'est chouette. Moi, personnellement, si je n'avais pas eu cet espace, je ne sais pas si j'aurais concrétisé ça, parce que je voulais depuis longtemps. Et puis, en fait, le premier confinement a été le moment où j'ai vraiment embrayé, quoi. J'ai lancé le projet. T'as écrit. Et puis je m'y suis vraiment mise dans les collabs, etc. Avec un parolier, avec un arrangeur, et j'ai arrêté de réfléchir et je suis passée à l'action. Mmh. C'est vrai qu'il n'y aurait pas eu cette phase. Je ne sais pas en fait si j'aurais vraiment fait naître Olive. Ah. Peut-être ou peut-être pas, mais c'est bien. Moi je dis que c'est bien, t'as réussi à le faire naître. Olive. Ouais, Olive, ça me rappelle Popeye, le dessin animé que je regardais. C'est comme ça que je surnomme mon cher et tendre, du coup. Olive. Ouais, non, mais c'est vrai que ça n'a rien à voir avec Popeye, mais après, au moment où j'ai choisi Olive, je me suis dit, ouais, merde, Popeye. Puis en fait, je me dis, mais Popeye, c'est drôle, en fait, donc c'est pas grave, c'est fou. Ouais, ouais. C'est pas, ça n'amène rien de négatif. Au contraire, ça fera sourire les gens. Bah, tant mieux, on en a bien besoin. Bah oui, puis c'est bien. Ouais. On va parler des clips Ça roule et À ma façon. Ils ont été tournés où ces clips-là, ces deux clips-là? Est-ce que tu peux nous parler de leur mise en image, Olive? Oui. Bah donc, ça a été tourné dans notre belle Belgique, dans la partie plutôt dans les environs de Liège. Donc, le premier, Ça roule, a été tourné dans un lieu plus retiré, plus en campagne, près de Spa, près du circuit de Francorchamps, par exemple. Ça, c'était des choses qui... Ou bien du site des Francopholies de Spa. Ouais. Dans un superbe lieu, qui est un gîte, en fait, avec salle de réception, et où on peut réaliser des mariages et tout un tas d'événements. Ça, c'était pour Ça roule. Et à ma façon, là, j'ai eu la chance aussi de bénéficier d'un lieu magnifique qu'on a sur Liège, qui est le Forum de Liège, en fait, où tant d'artistes sont venus donner des concerts fabuleux. Moi, la dernière artiste que j'ai été voir là, je pense que c'était Vanessa Paradis, il y a 2 ans, je pense. Et je pense que tous les artistes qu'on adore sont venus fouler la scène du Forum de Liège. Et moi, j'ai eu la chance de tourner un clip là-bas. Ouais. Et sur cette scène, et dans tous les recoins de cet endroit merveilleux, Et vraiment, j'ai découvert tout un tas de recoins que je connaissais pas du tout, en fait, dont l'entrée initiale du forum. Ouais. Vraiment avec ce vitrail magique, là, très coloré, mm-hmm. qui est pas du tout montré au public, en fait. Hein. On voit jamais cet endroit, en fait. Il y a des personnages, tu joues un personnage dans ce clip, hein, je crois, tu joues une mamie déjantée, quoi. Hein. Oui, tout à fait, que j'ai surnommée Bernadette, ouais. Voilà, je vous présente Bernadette. Oui, en fait, donc j'imagine c'est pourquoi Bernadette, ouais. Ouais, pourquoi ben, en fait, quand j'ai réfléchi à ce titre, donc cette idée de cette importance d'oser s'affirmer, aller au bout de ses choix, être fière de qui on est et se faire confiance, surtout en tant que femme, mmh. je veux dire, parce qu'il y a quand même encore du challenge à ce niveau-là. J'en suis arrivée à la grosse question des donneurs de leçons, justement, parce qu'on dit ça, tout un tas de donneurs de leçons, de ceux qui vous tirent vers le fond, c'est ce qu'on dit dans le texte. Mmh. Et je me suis dit, mais en fait, il n'y a pas que des donneurs de leçons, il y a aussi beaucoup de donneuses de leçons. Donc j'ai visualisé cet instinct vieux jeu comme ça, très rabat-joie qui dicte la bonne conduite à une gamine, quoi. Mmh. Vraiment, de ce qu'une gamine doit faire, ne doit pas faire, etc. Et je me suis dit, bah, pour une fois, ce serait bien, en fait, qu'on explique comment les femmes peuvent dégommer les femmes, en fait. Tout à fait. Voilà, c'est pour ça qu'il y a Bernadette dans... Et Bernadette qui, au fil de la chanson, se remet elle-même en question, mmh. et finit avec la position symbolique du féminisme. Hein, donc elle-même a décidé de sortir de ce côté rabat-joie et de... d'être une femme accomplie et respectueuse des autres femmes. Et les autres personnes, c'est des figurants, tout ça, ou c'est des personnes que tu connais? J'ai vu qu'il y avait une danseuse qui est enceinte aussi. Hein. Ouais, ouais. Ce sont des personnes que je connais de près ou de loin. Ouais. Donc, par exemple, la jeune femme enceinte, c'est vraiment une amie très proche avec ouais. qui j'ai fait mes études et qui était à 8 mois et demi de grossesse, donc on a vraiment ouais. risqué un accouchement en live. Hein. ça aurait pu faire le buzz, mais bon, voilà. Donc oui, non, c'était vraiment des personnes que je connaissais. Par contre, je les ai sélectionnées parce que je pensais vraiment qu'elles avaient un atout pour mmh. réaliser. Donc, soit elles étaient danseuses, vu que c'est une chanson très, très rythmée comme ça, ouais. qui amène vraiment le mouvement. Donc, c'était très intéressant. Ou alors, il y en a une, par exemple, Loretta, qui est plus âgée. Elle est photographe, donc je sais qu'elle a... Elle sait ce qui se joue derrière les objectifs d'une caméra. Mmh. J'avais aussi Martha qui est indonésienne, qui est une chanteuse très rock'n'roll comme ça, qui saute, qui se jette à terre. Voilà, donc je les ai toutes choisies pour cette attitude et cette facilité que je sentais à être à l'aise, en fait, devant la caméra et dans la mise en scène. Et puis toi aussi tu danses, hein, dans ce clip, tu danses vachement ouais. bien, quoi, aussi. Franchement, merci. Ce sont mes restes de gymnaste. j'ai fait beaucoup de gymnastique quand j'étais plus jeune et voilà. Eh ben, vous allez voir le clip, les enfants, après l'émission, sur sa chaîne YouTube, Olive. Olive, quels sont tes coups de cœur musicaux du moment, tiens? Ah, je dirais Clara Luciani, quand même. Excellent. C'est une artiste que j'aime beaucoup. Mmh. Je la sens extrêmement sincère, ouais. solaire. Une voix pure comme ça, sans maniérisme. Ce qui change pas mal, c'est vrai, actuellement. Ouais. Un retour vraiment à une vérité de la chanson française et une qualité des thématiques abordées aussi, des textes. Voilà, je trouve que vraiment, autant sur son premier album que sur les deux titres qu'elle vient de sortir, mmh. moi, elle m'a convaincue et j'aime beaucoup l'écouter. Claire, attends, ah ben ça tombe bien, oh, non, le hasard du pur hasard, je vois Clara Luciani. Je connais sa sœur qui s'appelle Ella aussi, Luciani, et que j'avais interviewé il y a la saison 2 de la Montagne de Fred, et j'ai failli avoir Clara, mais quasi en même temps, quoi. Ça aurait été la veille, j'avais Clara Luciani. Mais ça tombe bien parce qu'on va se l'écouter. On va écouter le reste. Qui est vachement bien. J'adore ce titre-là, le reste. Ouais, moi aussi. Ah ouais. Moi aussi. C'est une grande artiste. Allez, on revient juste après avec Olive. Je ne suis qu'une imbécile, allongée sur le dos, je me refais le film. Le début était beau, puis je t'imagine jouer sur ton piano une mélodie. Expire dans un écho, j'ai tout gâché. Je sais, j'ai tout gâché. Je ne peux pas oublier ton cul et le grain de beauté perdu sur ton pouce et la peau de ton dos.

20h, 23h, c'est la libre antenne de Fred sur Radio Saint-Dié. Sur Radio Saint-Dié, oui, 20h, 23h, c'est la libre antenne. Et on est toujours avec Olive. Ça va toujours, Olive? Bah oui. Moi, voilà, je suis là, super, je suis bien. On a écouté le reste de Clara Luciani, on a écouté True Color aussi avec le titre Bloodstream. C'est un remix de Lost Frequency en version Exempted. Toutes les versions là, j'adore cette version Exempted. Et je vais te faire chanter, Olive, je vais te faire chanter en a cappella le refrain, d'accord, de À ma façon, parce que je kiffe cette chanson là, j'adore À ma façon. C'est vrai que t'écoutes le refrain, tu l'as en tête après, hein. Donc tu vois. Est-ce que tu écris et composes, Olive? Oui, j'écris et je compose, mais je compose plus que j'écris. Alors je m'explique, donc. Voilà, c'est vrai que j'aime ces deux aspects de la création. Maintenant, je me sens plus être mélodiste et compositrice, ouais, que vraiment une très bonne auteure. Et du coup, j'ai fait une rencontre il y a quelques années d'un breton installé à Liège chez nous, ah qui oui. s'appelle Erwan Lebert, qui a notamment écrit pour Daran. Et donc, ça a été une rencontre assez importante pour moi, puisque il a commencé à me donner des textes, à écrire des textes aussi sur mesure par rapport à ce que je voulais défendre comme thématique. Ouais. Et en fait, ça a été vraiment gagnant parce que pour la première fois, j'arrive à interpréter les textes de quelqu'un d'autre comme si je les avais écrits. Ouais. Et puis, j'ai enfin cette qualité, cette hauteur que je voulais, ce niveau en fait d'écriture que je voulais. Donc voilà, et du coup ça me permet aussi de me concentrer moi plus sur vraiment à me casser la tête sur la mélodie, sur le côté instrumental de la chanson, ouais, et vraiment à me faire confiance à ce niveau là quoi. Et côté musique, c'est toi qui composes la musique, hein, si je comprends bien? Oui, donc c'est moi qui compose. Il y a eu certaines chansons aussi, j'ai fait des collabs aussi à ce niveau là notamment avec Giovanni Rizzuto, qui est un guitariste avec qui je suis extrêmement amis, on travaille ensemble depuis des années, mmh, et c'est vrai qu'avec lui on a co-composé ensemble des chansons que j'avais déjà fait auparavant, mmh, mais ces dernières années j'avais vraiment besoin d'aller au bout de mes idées et de fonctionner un peu plus toute seule à ce niveau là et par contre après une fois que j'ai fait la composition pour réaliser l'arrangement, là j'ai besoin évidemment de trianguler aussi, mmh, et donc c'est Nico Davel, qui est un multi-instrumentiste et aussi producteur de chez nous, qui habite près de Charleroi, ouais, que j'ai rencontré l'année passée. Donc, c'est avec lui que je réalise les arrangements, en fait. Et le titre À ma façon, il a été réalisé au bout de combien de temps? Ah, le titre À ma façon, donc, Erwan m'a donné ce texte il y a 2 ans, je pense. Ouais. Ah ouais, quand même. Donc, ouais, ouais. Et je l'ai rapidement mis en musique, mais du coup, je l'ai joué en guitare-voix pendant un petit moment. Ouais. Et vraiment, avec cette naissance de livre, je voulais vraiment lui donner un emballage moderne, quoi. Et ouais, je voulais vraiment trouver ce compromis que je recherchais depuis longtemps, c'est-à-dire avoir dans mes titres la modernité, vraiment m'inscrire dans mon époque, voilà, être là aujourd'hui en 2021, mais aussi avoir une vérité instrumentale. Donc, je voulais de vraies guitares. Dans le morceau qui arrive ici, il y aura de vraies basses, il y aura même un instrument avant. Donc voilà, il y a vraiment ce compromis organique et production qui est dans l'emballage. C'est vachement bien ça. Donc il y avait une version acoustique avant cette version-là. Y a pas qui réapparaîtra certainement. Il n'y a pas une guitare dans le coin, hein? Ah non. Il n'y a pas de guitare, hein? C'est dommage, hein? C'est dommage, parce que moi je t'aurais fait jouer à la guitare. Hein? Ah ouais. Bah alors là, ça aurait été un carnage total. Une guitare, là, je la vois derrière. C'est le mec, parano sur la guitare. C'est le guitariste que j'ai pas sous la main. Et cette version-là, on peut la retrouver, la version guitare, ou pas du tout? Tu l'as pas sortie en version acoustique? Non, je l'ai pas sortie, non. Et prochainement, les versions acoustiques, ça te dirait de faire À ma façon, ça roule, oui, version acoustique, ne serait-ce peut-être pas à la guitare, mais au piano, par exemple? Oui, après, À ma façon, au piano, il manque vraiment une touch rythmique, voilà. Mmh. Mais c'est vrai que la composition, je l'avais fait au piano, moi. Je compose tout au piano. Donc, wow, le squelette, il était là, mais ouais, c'est vrai qu'interpréter À ma façon au piano, ça, je me suis encore jamais posé la question, ça me ferait un peu bizarre. Mais en guitare-voix, après, on a le côté percussif de la guitare, donc il manquera quand même quelque chose par rapport à la prod, mais c'est possible, ouais. C'est possible. Tout est possible. Quels sont les sujets que tu as envie de t'exprimer dans tes prochaines chansons? Quel est le sujet qui pour toi est le plus important? Ah, l'écologie quand même. L'écologie, hein. Ouais. L'écologie, et là bah, je pense justement au titre que Pomme vient de sortir, mmh. Qui défend bah, la cause des baleines. Ouais. Voilà, je ne sais pas encore trop de quelle façon, parce qu'il bah, y a tellement, tellement de points écologiques sur lesquels on peut s'appuyer, tellement d'espèces en voie de disparition et de recoins de notre planète qui sont vraiment mis à mal. Mmh. Donc, je ne sais pas encore sous quelle forme, mais ouais, ça me tiendra vraiment à cœur. C'est vrai. La femme aussi, et l'humanité d'une façon générale. Moi, je suis quelqu'un qui suis très attentive au bien vivre ensemble et... au fait de pas tomber dans le côté dans la division, mais plutôt dans le rassemblement, quoi. Donc je prône quand même, j'ai envie de prôner ça, ouais, au travers de mon projet artiste. Moi, je vais faire une chanson sur ce mois de mai. Ouais, le mois de mai est pourri de 2021. Une chanson écolo. Pourquoi ce mois de mai 2021 est pourri, qui pleut tout le temps? On a un petit bout de soleil, puis après il n'y a plus rien. Là, ça y est, hein, le soleil y est plus, hein, c'est rempli de nuages. Donc, pourquoi tout d'un coup, il y a du vent, il y a de l'orage, il y a de la pluie? C'est le mois le plus pourri, mois de mai. Hein. On devrait porter les t-shirts. C'est la nature qui se venge. Ouais, ouais, je crois bien. Ouais. J'espère que le mois de juin, il ne va pas être comme ça, parce que j'ai connu des mois de juin. Oh, c'était catastrophique. Pas déconner, hein. On en a besoin. C'était la pluie. Hein. Ah, bah, cette année, le mois de juin, il va être génial. Hein. Il y a le foot, il y a l'Euro 2020. On est en 2021. Aucune de... Ah non, je cherche à comprendre. On arrive... avec quel artiste avec qui tu aimerais collaborer, tiens, Olive? Ah bah, il y a Clara Luciani, évidemment, que j'ai évoqué tout à l'heure. Ouais. Moi, j'aimerais beaucoup la rencontrer et voilà, bon, je vois qu'elle écrit des chansons pour les autres, etc. Ouais, pourquoi pas? Bon, après, c'est, bah oui. on est dans le rêve, hein, dans le souhait, hein, donc voilà. Sinon, Alain Souchon, ça c'est vrai que bon, excellent. Ça reste quand même un artiste excellent qui a l'air d'être un bonhomme tellement fascinant. Je sais pas, j'aurais vraiment envie de pouvoir le rencontrer et puis aussi aller dans mes références. Je vais dire Vanessa Paradis quand même, la reine. Ah oui, la ça reine, franchement, ouais. Oui. C'est dommage qu'on l'entend plus trop chanter Vanessa Paradis, parce que moi j'aime bien aussi Vanessa Paradis. Hein. J'aime bien aussi Alain Souchon. Ouais. Ben, la dernière, c'était il y a un an et demi, hein, c'est mot simple. Ouais. Mmh. Ouais, ça date quand même. Hein. Alain Souchon, il chante toujours. Hein. Il a sorti il n'y a pas très il y a pas longtemps, il n'y a pas si longtemps que ça, un nouveau titre. Tout comme un autre artiste aussi, ça va revenir. Là, je perds la mémoire. Là. La sorcie, 20h49, les enfants. On retourne à une question, ça va revenir juste après. Parce que je regardais dans le dossier Clara Luciani, j'ai le nouveau. Comme tu m'as dit, j'ai aussi avec Julien Doré, que j'aime beaucoup Julien Doré. Je trouve qu'il a une sacrée écriture lui aussi, il a une sacrée façon de chanter ses chansons, et ça j'aime bien son univers à lui. Hein. Il a un chouette tempérament artistique comme ça, et apparemment humain aussi, et moi je trouve que le duo est super intéressant. C'est vrai. Après ça, ils ont l'air d'être très, très en amitié, et je sais pas, je les trouve bien raccord moi les deux. Et pour ceux qui connaissent Olive, qui sont en train d'écouter, qui sont de Belgique, ils doivent dire « Je la connais Olive, je l'ai découverte à la télé en 2015 qui s'appelait The Voice Belgique ». Non, je ne ferai pas Nikos parce qu'il n'y a pas Nikos là-bas. Je crois que c'est une femme qui présente The Voice Belgique, il me semble, non? Ou c'est un mec? Oui, c'est femme, Maureen, hein. C'est une femme. Maureen qui avait travaillé en France, il me semble, il y a quelques années. C'est possible. Oui, c'est possible. Là, je ne sais pas. Ce prénom me dit quelque chose. Tu as participé à The Voice en 2015. Qu'est-ce que tu gardes de cette expérience? Qu'est-ce que tu gardes de cette expérience de The Voice Belgique? Et est-ce que tu aimerais aussi tenter l'expérience en France, tiens, ne serait-ce pour l'année prochaine en 2022? Alors. L'expérience en Belgique, moi, c'était vraiment super cool. Mmh. Bon, ça date un peu, mais c'était des belles rencontres. Et puis, j'avais Stanislas comme coach, qui est un artiste de chez vous, qui a eu son poids aussi, je vais dire, dans les conseils qu'il m'a donné par rapport justement à l'évolution de mon projet, au fait que je me dirigeais vers la chanson française, la chanson à texte, voilà. Donc il a vraiment eu des conseils qui ont été importants pour moi. Et puis c'était l'expérience du direct en télévision, voilà. Donc c'était vraiment une façon de travailler que moi je connaissais pas du tout, puisque voilà, j'avais un peu une expérience dans le cover, et je veux dire, moi j'étais une fille de qui avait fait ses planches, je vais dire, voilà, qui je faisais des concerts quand même régulièrement, et c'était pas du tout la même façon de travailler. L'excitation du direct, voilà, non, c'était vraiment une super expérience. Ouais. Et du coup, bah, The Voice France, après nous, les Belges, on regarde beaucoup la télé française aussi. Donc évidemment, je connais bien l'émission, et c'est vrai que ça donne envie. Maintenant, voilà, pourquoi faire une deuxième fois The Voice alors que je l'ai déjà fait, même si c'était juste en Belgique, entre guillemets. Voilà, je sais pas s'il y a besoin que je fasse ça ou bien si je peux continuer mon petit bonhomme de chemin comme je l'ai commencé. Je sais pas, on verra peut-être. Je vais peut-être me dire à un moment donné, bah, ce serait peut-être bien, ça donnerait un bon coup de pouce à ma carrière. Mon petit doigt me dit qu'on va bientôt la retrouver dans The Voice en France, hein, je vous le dis. Je sais pas pourquoi, mais je le sens. Je t'ai regardé dans les yeux, j'ai vu. Je suis médium, attention. Non, je déconne. Si tu pouvais décrire la musique en un mot, ce serait quoi, Olive? Bah, c'est le bonheur quand même. Le bonheur. Ouais. Oui. Le bonheur de chanter, oui, peut-être pas retrouver le public. Oh, si, bientôt de retrouver le public, tout ça. Ouais, c'est vrai que c'est le bonheur. Oui. Même une personne qui est dans sa voiture, qui écoute de la musique, une personne qui est chez elle, qui fait péter un vinyle. Voilà, je sais pas, c'est un moment en fait, un moment de bonheur. Un moment de bonheur, oui, tout à fait, c'est vrai. C'est des moments de bonheur qu'on aime bien écouter de la musique de certains artistes parce qu'on voyage, il suffit de fermer les yeux puis on s'imagine ailleurs. Ça a un pouvoir énorme, quoi. Ouais. Et si tu devais partager un message à travers ta musique, quel serait-il? Bah, ça rejoint un petit peu le premier parce que c'est l'importance d'être heureux, en fait. Moi, je suis aussi prof, hein, donc j'ai aussi une activité de prof, et je le dis souvent à mes élèves que voilà, ce qui compte, c'est de trouver son chemin et de surtout vouloir avoir l'objectif d'être heureux. Donc, faire un métier qui nous plaît. Vivre dans un lieu qui nous plaît, avec quelqu'un qui nous plaît, je veux dire, pas détester arriver au boulot, pas détester rentrer chez soi, enfin, je veux dire, c'est super important. Ouais. Et si on peut, par la musique, transmettre des ondes positives et permettre à chaque personne de cultiver cette pensée bonheur, entre guillemets, bah, alors c'est gagnant. Et si tu avais un grand rêve en musique, quel serait-il? D'abord, un premier petit rêve, c'est que Olive vive, hein, que Olive arrive en live et voilà. Sinon, aller un rêve, pas trop, il ne faut pas trop non plus miroiter des choses inimaginables, mais être invité sur Taratata, ça me plairait bien. Ah, excellent, ouais. Nagui, si tu nous entends. Nagui, Olive peut venir. Non, Taratata, c'est une émission qu'on aime beaucoup en Belgique, en fait. Ouais, c'est une excellente émission. Là, ouais. C'est vraiment du pur live, quoi. Ça joue vraiment pour de vrai, ça chante vraiment pour de vrai, mais pas sur une bande, quoi. Comme d'autres émissions qui chantent. Tu le vois tout de suite, hein, les artistes, quand ils chantent en playback, tu le vois. Et moi, j'aime pas ça. J'aime bien quand c'est du pur live. La voix sort va dans le micro qu'on entend, ça oui, et puis que l'artiste peut dire bah, tiens, je vais monter la note assez haute ou pas, voilà, ça j'aime bien cette émission Taratata. Nagui aussi j'aime bien, j'adore cet animateur. Quand tu chantes pas, Olive, est-ce que t'as un hobby, une passion autre que la chanson? Cuisiner. Ah, cuisine, parle de cuisine. Quel plat tu fais Belgique? Je fais plein de trucs, mais je cuisine fort méditerranéen. Ah. Voilà. Ah, c'est dingue ça. Ouais. Mais j'ai des origines italiennes, est-ce que c'est de là, je sais pas. Ouais. Mais je vais pas trop faire des plats typiquement belges, pas du tout même. Je suis fort dans les légumes méditerranéens. Et voilà, ça sent le soleil. Je sais pas. Enfin, ça donne ces petits rayons là, les pâtes, tout ça. C'est les pâtes. Maquillage. Ça y est, j'ai faim. Ça y est. Je vais aller manger. Elle m'a donné envie de manger maintenant. Ouais. Les spaghettis à la bolognaise ou la carbonara, ça c'est très très bon, les enfants. Est-ce que tu as en projet, est-ce que tu as des projets pour monter sur scène, ne serait-ce cet été ou même en fin d'année ou l'année prochaine? Oui, alors ici, bah, comme je disais tout à l'heure, c'est un peu compliqué chez nous, c'est fort obscur, mais quand même, on voit des initiatives qui se mettent en place, notamment pour des concerts Garden. Et le duo de Olive du coup va démarrer certainement avec des petits concerts en été ici. Ouais. Bon, j'imagine que ça va s'arrêter à la Belgique hein, dans un premier temps, et seulement à deux. Et puis alors, il y a une date en septembre au Centre culturel de Serein. Donc, c'est vraiment un centre culturel assez chouette en région liégeoise, en Belgique. Donc là, j'ai une date qui est fixée au 25 septembre 2021. Il faut venir en France. Il faut venir aussi. Ben oui, avec plaisir. Après, ouais, moi, je suis dispo, hein. Ah, le public français veut que tu viennes en France chanter tes chansons. Et voilà, puis ton album aussi, hein, ton futur album aussi. Comment tu pourrais décrire en un seul mot ce que tu ressens quand tu es sur scène ? Émotion. Émotion. Ouais. Parce que c'est vrai, parce que moi je suis très... J'essaye souvent, enfin je me connecte à la mélodie et aux paroles, ou parfois plus à la mélodie qu'aux paroles, ou l'inverse, ça dépend. Mais j'essaye vraiment, j'aime ressentir cette sensation en fait de connexion avec cette pratique artistique à ce moment-là. Mmh. Et sentir que le public aussi se connecte à ça. Faire sourire les gens, ou leur donner les larmes aux yeux, ou leur donner la bougeotte. Voilà, j'aime qu'il y ait des états émotionnels qui soient partagés comme ça. Génial. Est-ce que tu as une manie ou un tic avant et après d'être monté sur scène ? Boire une bière. Ouais. Et avant et après. Non, voilà, ouais. J'aime bien de boire un petit verre avant et après. C'est parce que je suis quand même, je reste, même si j'ai quand même quelques années d'expérience maintenant, une grande stressée. Ah ouais. Et voilà, même ici avant l'interview, j'étais stressée. Voilà, donc mais c'est un stress positif. Ça me perturbe pas, ça ne me paralyse pas, mais voilà, je suis en tension, j'ai envie de bien faire, voilà, j'ai envie que ça se passe bien, et même quand je fais un concert, si jamais je connais le lieu, je connais le public, enfin, je suis stressée, quoi. Ouais, bon. Et donc, une petite bière. Ouais, une bonne petite bière, une petite blonde, une bière brune, une bière blanche, et hop là, et c'est parti pour faire l'interview de la Live Antenne de Fred. Bon, on a combien là ? On a 1 million d'auditeurs, ça va, c'est rien, ce que donne 1 million de personnes qui écoutent la Live Antenne. On salue le Canada, les États-Unis, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, la France, la Belgique, la Suisse, et tous les autres pays aussi qui nous écoutent les vendredis soirs aussi. Donc je les remercie beaucoup beaucoup, parce que ça monte hein, de vendredi en vendredi, donc c'est vachement bien. Là on arrive à la question bugage d'artiste. Attention, tu auras droit à un joker. Si tu prends le joker, tu devras poser une question à quelqu'un qui est dans le studio ce soir, et il n'y a que moi. Oui, il n'y a que moi. Donc tu devras poser la question à moi si tu prends le joker. Mais tu auras 10 secondes pour y répondre à cette question, juste après que j'aurai terminé de la poser. Attention, est-ce que tu es prête ? Ouais, j'ai peur, mais ouais. Attention, quelle est la question que l'on ne t'a jamais posée en interview et à laquelle tu aurais aimé répondre ? Olive, top chrono, 10 secondes. Quelle chanson j'aurais voulu écrire ? Quelle chanson t'aurais voulu écrire, là, ça vient dans ma tête, là ? En fait, ça dépend si on pense... Donc, une chanson qui existe, hein. Ça dépend si on parle en termes de texte ou de mélodie. En termes de mélodie, Fragile de Sting, ça, c'est vraiment une chanson que j'adore. Je trouve qu'il y a une ambiance là-dedans fabuleuse. Et cette mélodie, c'est autant la voix qui la met en place que la guitare. Donc, je trouve ça magnifique. Ouais. Et au niveau du texte, moi, j'aime beaucoup Souchon, comme je le disais tout à l'heure. Excellent. Full sentimental, je pense que c'est vraiment un texte. Sacré texte, cette chanson. Voilà, et où les idées qui sont amenées, c'est vraiment ce que j'ai envie de défendre. Donc, ouais, j'aurais aimé pouvoir écrire ce texte-là, en fait. Et il y a un sacré clip aussi de Full Sentimental d'Alain Souchon. Ce personnage qui ne veut pas se montrer, qui a peur des autres personnes, des autres gens, qui a peur d'être vu. Parce que voilà, il est différent de chacun, donc il a peur d'être vu dans ce clip, tout ça. Et j'aime bien la façon de ce clip, Full Sentimental, ça date, hein, mais bon, je vois de temps en temps la télé quand je zappe. J'aime bien cet artiste. C'est bien, tu as bien répondu à la question, Lyon. Vachement, pas de bugage, c'est cool. Elle a eu la question avant, c'est pour ça. J'ai été gentil, je l'ai envoyé tout avant. Ping. Quel est ton meilleur souvenir depuis le début de ta carrière ? Les Francopholies de Spa. Les Francopholies. Je les ai pas fait encore pour de vrai. Ouais. Je m'explique. En fait, donc il y a les Franco de Spa, et puis il y a un concours parallèle qui s'appelle le Francoph. qui permet à des artistes émergents justement de se montrer un peu, de se faire entendre et du coup de profiter un petit peu de cette énergie des francophilies de SPA qui sont, c'est juste un événement fabuleux. Que j'adore et qui malheureusement cette année pour la deuxième fois n'aura pas lieu. C'est dommage. Donc voilà, bien dommage. Mais j'ai eu la chance de m'exprimer à ce moment-là quand j'avais mon premier projet avant que Olive naisse, parce que j'avais déjà des compositions, mais on était dans le pur acoustique. C'était un peu l'introduction à ce qui arrive maintenant, je veux dire. Mmh. Et donc j'ai fait un concert à ce moment-là avec Giovanni à la guitare et Jacques Pilly à la basse. Et il y a eu comme une bulle, en fait. Je parlais tout à l'heure d'émotion. J'avais peur parce qu'on était en festival. Je me dis, tiens, est-ce que les gens vont être nombreux à s'arrêter ou est-ce qu'ils vont passer leur chemin? Bon, on ne me connaît pas. Il y avait des artistes vraiment bien plus connus qui jouaient à deux pas de là. Ouais. Et en fait, les gens s'arrêtaient, restaient, écoutaient et étaient émus. Et j'ai senti trop cette bulle à ce moment-là et c'est vraiment un souvenir fabuleux pour moi. Un souvenir fabuleux. Les francopholies de SPA? Ouais. De SPA, vous chantez dans des spas, c'est ça? Non, on chante sur des scènes, dans parc, le parc des 7 heures notamment. Ouais. Mais c'est la ville de SPA qui organise, c'est pour ça. C'est là-bas qu'ils fabriquent les spas, alors, hein, SPA, voilà. Mais il y a les thermes, ceci dit, juste à côté de ce parc, donc ça peut prêter à confusion. C'est dingue. Peut-on retrouver Olive sur les réseaux sociaux? Sur les réseaux, donc Instagram, Olive Artiste, Facebook aussi et YouTube. C'est vrai que je me cantonne un petit peu à ces trois-là pour le moment. Je suis plus active sur Instagram. Vous tapez Olive Artiste et vous tomberez sur tous les réseaux, donc il n'y a pas de souci. J'ai testé sur Google, donc si vous tapez Olive, vous allez tomber sur plusieurs trucs. Vous mettez la chanteuse Olive. La chanteuse Olive, et vous allez tomber directement, vous verrez. Vous la verrez, vous verrez même le clip, le dernier clip à ma façon. Donc il y aura la vidéo sur Google, puis vous pourrez cliquer dessus et vous aurez toutes les informations après la vidéo juste en dessous de la description. Vous aurez tout. Donc, il n'y a pas de souci. Allez vous abonner, ça vaut le coup, parce que moi, j'aime bien Olive. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année 2021? Et en retour, quel serait le message final pour ton public, Olive? Me souhaiter de trouver la scène. Voilà. Qu'on nous autorise à vivre la musique en vrai, avec un vrai public face à nous. Et continuer à concrétiser des chansons encore et encore. Et voilà, à mener le petit bonhomme de chemin. Et... un message pour le public, c'est ça? Oui. Du coup, ça revient à dire ce qu'on disait tout à l'heure, surtout dans cette période, avoir vraiment cette... s'autoriser à être heureux, en fait, et peut-être plus simplement que ce qu'on croit, en fait. Revoir un petit peu nos valeurs, essayer de moins chercher midi à 14h et de voir le bonheur là où il est, devant nous, en fait. C'est vrai. C'est ça que je dirais. Tout à fait. Mais toi, ça passe vite une heure quand même. Ouais, c'est sûr. C'est dingue. Hein. 21h05. Pour terminer cette interview, on va écouter le nouveau single qui s'appelle À ma façon. Je te remercie beaucoup, Olive. Je te dis à très vite. Bien sûr, il y a sur le chemin des tas de donneurs de leçons. Des bons amis, très bons à rien, de ceux qui vous tirent vers le fond. Mais personne n'a le mot de la fin quand je prends seul mes décisions. Ton avis n'est que le tien, j'aime faire les choses à ma façon. Oh, à ma façon. Aléas et cet humain, des attentes, des déceptions, des guignols et leurs baratins, on en croise tous, des millions, des hauts, des bas, oui ce qu'il faut bien, mais rien qui altère ma passion. Pas de paille dans l'œil de mon voisin, je vois les choses à ma façon, à ma façon, ma façon, ma façon. Oh.

I'm good with silence. You see what I want you to see, that no one can break me. I'm small and I'm witty, that no one can touch me. I'm easy and I'm free. Under it all, I'm not standing straight, I'm not looking dull. Carla Stark, elle est avec nous. Oui, elle est là. Elle est bel et bien là. J'avais peur parce que j'avais pas de nouvelles. J'ai été voir, j'ai été vraiment le plus vite possible. Bonsoir Carla, ça va ? Bonsoir, oui, ça va très bien et vous ? Bah, moi super, super. Là j'étais en Belgique et là tout d'un coup je me retrouve directement à Londres. En direct à Londres, de Londres. Exactement. C'est vachement bien. Et, le seul truc que j'ai oublié, c'est de mettre tes questions. Ah ouais, c'est, je crois que c'est, ouais, c'est ça que j'ai oublié. J'ai oublié de mettre tes questions sur le deuxième écran, mais ça, ça va être vite fait. C'est vite fait parce que tout est déjà préparé, hein, dans la live antenne. Ah, hein, oui. Déjà, bah voilà, j'ai déjà les questions sur le deuxième écran. Et déjà, je te remercie beaucoup de nous accorder un petit peu de ton temps. Donc, on va présenter. Bah, merci à vous, ça me fait plaisir. On va faire découvrir Carla Stark, on va faire découvrir aussi le nouvel EP qui s'appelle C. Donc, et rien de mieux. On va la laisser se présenter, Carla. Hein, on va te laisser te présenter aux auditeurs de Radio Saint-Dié et du RCM. Et moi, je vais te poser la question. Comment a débuté l'aventure dans la musique pour toi, Carla ? Alors, l'aventure dans la musique, bon, déjà, la musique a été globalement une grosse partie de ma vie tout le long, mais c'est vrai que je m'y suis consacrée que vers 2015. Ouais. Et où je me suis rendu compte, j'ai joué du piano très très longtemps. Et en 2015, je me suis rendu compte que j'aimais chanter et qu'a priori, je chantais plutôt pas mal. Bah, et donc, sur une, et j'écrivais beaucoup de paroles et avec le jeu des rencontres de la vie, j'ai rencontré un compositeur, Esaïe Altounian, en France, qui s'est proposé de composer les musiques pour aller avec les paroles que je lui avais envoyées. Et je me suis retrouvée comme ça, un peu du jour au lendemain, dans une cabine de studio, en train d'enregistrer un album de 12 titres. Waouh, c'est dingue. Voilà. Ouais, parce donc, que t'as fait d'autres, t'as pas fait qu'un EP, hein, t'as fait un album aussi avant, donc t'as sorti aussi d'autres singles aussi, donc oui. Celui-là c'est pas le tout premier, hein, le PC. C'est pas le premier, non. C'est mais premier. C'est, il s'appelle C justement, C comme Carla, parce que c'est par contre celui qui me ressemble le plus, c'est celui qui m'est le plus personnel et qui est moi. Qui est moi toi. Donc, et comment tu définirais ton univers musical, Carla? C'est un peu compliqué. J'aime bien le mot pop parce que ça peut tout prendre. C'est-à-dire qu'on peut faire sous le mot pop de la pop jazz, du pop rock, de la pop commerciale, de l'électropop. Pop, ça peut réunir un peu tout. Et comme moi, je suis quelqu'un de très très éclectique, j'ai toujours écouté tout type de musique. J'ai du mal à faire la même chose. Et donc je dis pop parce que ça peut englober d'une chanson à l'autre. Elles sont pop ci ou pop ça, mais elles sont toutes globalement sous le signe de la pop. La pop. Et quels sont les artistes qui t'ont influencé dans ta carrière musicale? Ouf, encore une fois, c'est très très dur parce que j'ai vraiment écouté énormément de choses qui partent d'un endroit à l'autre, mais je peux parler d'albums que j'ai écoutés vraiment en boucle et que je serais capable de chanter probablement du début jusqu'à la fin, comme l'album Blue de Joni Mitchell par exemple. Mm-hmm. Ou Glory Box de Portishead, ou même des albums de musique de film comme As If To Nothing de Craig Armstrong, voilà, du Stevie Wonder, et puis aussi beaucoup de métal parce que j'ai une période gothique, donc ça part vraiment un peu dans tous les sens. T'écoutes d'où de tout, mon problème de classification. C'est vachement bien ça, au moins voilà quoi, t'écoutes de tout, donc même du métal. Ouais. Et moi aussi je le dis, j'en écoute aussi du métal, hein, parce que je fais aussi une autre émission qui s'appelle Libertaine Paranormale et j'effuse beaucoup de métal dans cette émission là, donc moi c'était mon émission avant, mais maintenant j'ai recruté un nouvel animateur que je forme et qui fait aussi des Libertaine Paranormale. Et qu'on retrouvera les Libertaine Paranormale, j'en profite, le 29 mai, le samedi 29 mai de 21h à 23h. Donc vous verrez la vidéo du nouvel animateur de la Libertaine Paranormale, mais je suis pas loin, je suis juste derrière la caméra, moi. Moi, on me voit jamais. Le second studio est filmé, mais moi, on me voit pas. Moi, je veux pas me montrer. Si je me montre, voilà, les gens, ils vont dire oh mon Dieu. Non, je déconne, c'est pas vrai. Moi, je déteste me voir sur un écran. J'aime pas. C'est particulier, hein. Moi, du coup, j'ai dû m'y habituer par la force des choses parce que ça fait partie du métier. Mais oui, mais c'était pas ma partie favorite. Je commence à bien aimer, mais c'était pas ma partie favorite et au début, ça a été un petit peu compliqué. Ouais. Me dire, mais pourquoi je peux pas juste chanter? Ouais, c'est vrai. Mais maintenant, maintenant la radio est filmée. Donc, je sais pas si en Angleterre ils filment les radios. Je crois qu'ils filment les radios aussi maintenant. Je pense que oui, on est quand même à l'ère de l'internet et de la web radio, et donc c'est tellement facile de je pense filmer. Que oui. Filmer le studio, de voir les animateurs. Mais il n'y a plus, comme je dis, il n'y a plus la magie de la radio. Radio, la voix que la voix. Et on s'imagine la personne qui parle. On imagine le visage. Il n'y a plus cette magie-là. Et bien, sur Radio Saint-Dié, il y a. Avec l'animateur de la libre antenne de Fred, vous pouvez deviner. De toute façon, c'est pas compliqué, vous allez sur Facebook. Hein. Tapez mon prénom. Puis c'est quand même très très compliqué de se cacher complètement en 2021. De nos jours, c'est très très dur de se cacher. Hein. Ça, c'est vrai. Comment tu donnerais envie aux personnes qui ne te connaissent pas d'écouter ta musique, Carla? Comment je donnerais envie? Moi, j'ai, à titre personnel, en tant qu'auditrice et pas artiste, la musique, je m'en suis toujours servie. Et c'est pour ça que j'écoute beaucoup de choses en termes d'émotions, selon l'état dans lequel je me sens, et ainsi de suite. Telle chanson va m'aider ou pas m'aider, parce que des fois on n'a pas envie d'être aidé, on est triste, on a envie d'écouter de la musique triste. Et je pense que dans mes chansons, il y a ça, que d'une chanson à l'autre, en fouillant, il y a toujours une chanson pour une humeur, et que si un jour une de mes chansons, ou deux de mes chansons, ou toutes mes chansons pouvaient rendre service à quelqu'un qui a besoin d'entendre un peu de joie, ou besoin d'entendre un peu de tristesse, c'est pour ça que j'écris, et c'est pour ça que je chante en tout cas. C'est pour ça que tu écris, c'est pour ça que tu chantes. Et là, comme tu dis que tu chantes aussi cette EP qui s'appelle C, qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Est-ce que tu peux nous présenter cette EP titre par titre aux auditeurs? Comment tu présenterais le premier titre qui s'appelle Des fleurs sous ma peau? Tu le présenterais comment ce titre? Alors, Des fleurs sur ma peau, c'est déjà c'est le premier titre que j'ai écrit en français, parce que j'ai toujours écrit en anglais, ça m'est toujours venu plus naturellement. Et là, j'ai trouvé ce beat, comme on dit, donc cette production musicale en ligne, et d'un coup, les paroles me sont venues en français, ce qui m'a beaucoup surpris moi-même. Ouais. Et c'est un titre vraiment sur la guérison, entre guillemets. Des fleurs sur ma peau, moi, je suis quelqu'un, j'ai pas mal de tatouages, au grand regret de ma maman. Et j'ai effectivement des fleurs tatouées sur ma peau. Et c'est vrai que je sais pas pourquoi ça m'est venu comme ça, mais il y a eu un côté où je me suis mise à analyser pourquoi je me faisais tatouer. Et c'est pas juste pour le côté joli de la chose, mais il y avait vraiment une question de j'aime mettre en image et j'aime me dessiner et me redessiner par rapport aux injonctions que j'ai pu entendre toute ma vie, où on te dit t'es petite, même des belles injonctions, t'es petite, t'es moche, t'es belle, t'es sympa, t'es marrante, t'es chiante. Je veux dire, toutes ces injonctions qui nous construisent. Ouais. Et je pense que les tatouages m'ont toujours permis de me redéfinir moi-même et de dire non, moi je vais être ce genre de personne, et de déconstruire un peu tout ça pour réussir à voir ce que j'étais moi. Et donc, Des fleurs sur ma peau, c'est une chanson sur ça. Sur la guérison, sur la reconstruction. Ouais. Et pour moi, ça a été les tatouages. Je ne le recommande pas à tout le monde. Hein. Chacun sa méthode, chacun sa manière. Je ne fais pas du tout une ode ou une apologie du tatouage. Mais moi, je m'en suis servi comme ça. Ouais. Et chacun peut se poser la question de savoir de quoi ils se servent, eux, dans leur vie pour faire justement ce chemin de guérison et de reconstruction. Tout à fait. Le deuxième, c'est Short Skirt No Bra. Short Skirt No Bra. Alors, Short Skirt No Bra, c'est une chanson qui m'est venue il y a pas longtemps. C'était en 2020, je crois, en France, qu'il y a eu ce débat du crop top. Où il voulait une tenue républicaine et interdire le crop top, et ça m'a profondément énervée. Il n'y a pas que toi, hein. Parce que je me suis dit, si on n'apprend pas aux adolescents garçons à ce moment-là justement à gérer tout type de situation, tout type de femmes qu'ils vont rencontrer, tout type de tenue, à la place de leur apprendre à le gérer, on leur dit c'est normal que vous ne sachiez pas le gérer et c'est au fit de s'habiller, et on se surprend plus tard du type de réaction que des hommes adultes peuvent avoir après. Mais si à ce moment-là, on valide le fait qu'ils ne sont pas censés savoir se contrôler si les femmes s'habillent comme elles veulent, c'est sûr qu'on ne leur donne pas les outils pour plus du tout se poser la question plus tard, quoi. Et donc, ça m'a vraiment énervée. Et j'avais pas envie de faire une chanson trop grave ou politique ou trop engagée. J'avais quand même envie de chanter ça d'une façon drôle et fun. Et du coup, voilà, Short Skirt No Bra. Et puis c'est marrant de l'avoir sorti à une époque où justement ça fait un an et demi que les gens sont confinés chez eux, et que du coup les femmes, c'est une vraie révolution de dire ça fait un an et demi qu'on n'a pas porté de soutien-gorge, parce que donner le choix à n'importe quelle femme, je peux vous dire qu'elle n'en portera pas. Et donc ça a été assez à propos, parce que je l'ai écrite avant le confinement et puis elle est sortie après. Et voilà, c'était une façon pour moi de dire laissez-nous enfin nous habiller comme on veut. Tout à fait, bien sûr. Laissez-nous nous habiller comme on veut, non, c'est pas possible. On n'a pas besoin de Pierre-Paul Jacques pour savoir comment on va s'habiller. On s'habille comme on veut, quand on veut. Voilà. Le troisième, c'est Everything I'm Not. Everything I'm Not. Alors, Everything I'm Not, c'est une chanson qui est un peu pareil. Comme je disais, c'est pour Carla, c'est vraiment l'album où je me suis moi-même remise en question et où j'ai essayé de définir qui j'étais et qui je n'étais pas, justement, dans cette chanson. Et c'est pareil, un peu casser les injonctions et dire je sais ce que je suis, je sais ce que je ne suis pas, mais je suis contente de tout ce que je suis et de tout ce que je ne suis pas, entre guillemets. C'est vraiment s'accepter, c'est une chanson d'acceptation à 100% et de dire on est ce qu'on est. On est ce qu'on est. On peut évoluer, mais on peut évoluer, on peut grandir, bien sûr. Hein, on n'est pas figé dans la pierre, mais en sachant qui on est, il n'y a aucune... honte à être qui que l'on soit. Tout à fait. Le quatrième, c'est Naïve, qu'on peut retrouver le clip sur ta chaîne YouTube aussi. Naïve et aussi Des fleurs sur ma peau, il y a aussi le clip. Des fleurs sur ma peau, oui. Ah. Et alors Naïve, c'est suite à une... C'est un peu ce qui a généré cette EP, suite à une très mauvaise expérience, qui n'est pas la première, ou qui finit en procès, ce qui n'est pas la première fois. Je suis quelqu'un de fondamentalement naïve, et du coup, pour ça, je suis une cible facile. Et pareil, je me suis posé la question, ok, si je pouvais changer ça de moi, est-ce que je le changerais? Et donc, ça m'a permis de faire l'exercice de me dire, ok, pour toutes les galères que j'ai eues parce que je suis naïve, parce que j'ai tendance à trop faire confiance aux gens, et que du coup, je deviens une proie facile pour les méchants, Est-ce que j'ai vraiment envie de changer ça? Et non, ça me permet de voir, en anglais, comme on dit, le silver lining, et de dire dans chaque mauvaise situation, j'arrive à trouver le bon que ça m'a apporté quand même, comment j'en ai grandi, qu'est-ce que j'ai trouvé. Et le fait d'être naïve et de faire confiance aux gens, ça m'a emmenée dans plein d'aventures auxquelles j'aurais peut-être dit non si j'étais pas aussi naïve, justement. Et le cinquième, c'est la peur est humaine. Ouais, la peur est humaine. Bah, comme son titre le dit, c'est une façon à moi de dire à tous les gens qui vivent avec la peur, quelle que soit la peur qu'on a, qu'on a tous peur, et de se féliciter de quand même se lever le matin et de quand même faire notre journée, alors qu'en se levant, on a tous peur de quelque chose, quoi. On a peur d'avoir faim, on a peur d'être fatigué au travail alors qu'on n'a pas envie d'y aller, on a peur d'un milliard de choses, et on vit quand même notre vie au quotidien tous, quoi. Et donc c'est dans le refrain, il y a, on dit l'audace, c'est l'audace qui nous régit, et c'est l'audace qui fait qu'on vit quand même, et de se dire on n'est pas seul, on a tous peur, et la peur est humaine. Et tout ça, ça s'appelle C comme Carla, donc disponible. Exactement. Partout, sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Est-ce qu'il est en format physique aussi? Non, il n'est pas encore en format physique, parce que je travaille sur un C partie 2, du coup, et que peut-être que quand les deux seront faits, on aura un format physique global. Ah, cool. Voilà. Génial. On verra. Tout ça, c'est dans le domaine du possible, en tout cas. Allez, nous, on va écouter, on va écouter Short Skirt No Bra, et on va écouter aussi Des fleurs sous ma peau de Carla Stark. Super. On arrive juste après les enfants. Lesson one, and it's an easy one. The way you dress has nothing to do with anyone. Lesson two, it's not for you. Didn't ask for your point of view. It's not provocation, not my intention. Whatever I do is not for attention. Short skirt, no bra. je voulais pas couler. J'avais pied, je voulais pas nager. Mais j'ai plus peur de sauter, plus peur de naviguer, plus peur de l'étranger, j'ai plus peur d'espérer. Stark avec des fleurs sur ma peau, et juste avant on a écouté Short Skirt No Bra, oui, extrait de l'EP qui s'appelle C'est comme Carla. Ça va toujours Carla? Ça va toujours. La forme, le temps ouais. Est bon en Angleterre? Bah là, Oula, pas vraiment, mais on pas terrible. De la pluie, vous avez eu de la pluie, du vent, du froid? On a beaucoup de pluie, mais je suis en quarantaine pour le moment, donc oui. Ça change pas grand chose à ma vie. On va en parler. Ah non, c'est pas la souris là, c'est celle-ci, voilà, sur le deuxième écran. Eh ben, on va en parler de ce fameux virus là qui fait sa star depuis plus d'un an, d'ici un an et demi déjà, qui affecte énormément le monde culturel partout dans le monde, hein, partout. Oui, comment toi tu vis cette situation en tant qu'artiste? Tu le vis comment toi? C'est un peu une épée à double tranchant, c'est-à-dire que pour d'un côté, effectivement, à un moment où je me réjouissais de commencer à vraiment aller sur scène et chanter, tous les plans se sont annulés. Ouais. On avait aussi, j'ai écrit et coproduit une comédie musicale indienne qui devait faire une tournée européenne, qui a été repoussée, puis finalement annulée. donc c'est un petit peu compliqué, mais à la fois, je pense que ça a quand même vraiment boosté ma créativité de m'en retrouver seule avec moi-même. Mmh. Et donc ça m'a donné le temps d'écrire beaucoup, de penser beaucoup, et donc voilà, il y a un peu des deux. Et la situation actuelle en Angleterre, c'est comment? C'est confiné, déconfiné Non, ils sont en phase de déconfinement, enfin ils sont même plutôt bien déconfinés, les théâtres sont rouverts, les cinémas, les restaurants, tout le monde, on ne porte pas de masque dehors, donc c'est plutôt presque la complète vraie vie. Mais moi, je suis arrivée il y a 5 jours seulement, 6 jours, et donc je suis encore en quarantaine pour 4 jours avant de pouvoir profiter de tout ça. Ah oui, quand on arrive, ne serait-ce qu'en Angleterre, on est confiné. On est confiné combien de jours 10 jours, et on doit faire 2 tests. Waouh, et 2 tests. Waouh. 2 tests, ouais. Dans le nez ou dans la bouche? C'est l'hiver. Dans le nez. Alors c'est assez rigolo parce qu'à Londres, du coup, ils nous envoient les kits à la maison. Ouais. Et on doit les faire sur un call vidéo avec quelqu'un qui vérifie qu'on a bien activé notre test, qu'on le fait devant lui, puis on le met dans une boîte aux lettres. Et donc c'est différent. C'est dingue, ça rigole pas, hein. C'est vraiment sérieux, quoi. Ah non, ils nous appellent tous les jours pour s'assurer qu'on est bien à la maison. Cela dit, je pense que si on répondait de dehors, ils s'en rendraient pas trop compte, mais on a un appel tous les jours. Ils surveillent. Ah oui, c'est vachement sérieux, quoi. Franchement. Ouais, c'est bien. Non, c'est logique, c'est bien, hein, franchement. Moi, je l'ai eu. J'ai eu sous forme de rhume. C'était en novembre 2020. Tu vois, ça s'est bien passé. J'ai même pas eu peur. Je pense l'avoir eu aussi. Et que mon fiancé, quand il est arrivé de Londres, justement, début mars 2020, avant le début du premier confinement, était très, très malade. Il avait 42 de fièvre. Ah ouais. Et donc, je pense qu'il est arrivé avec, qu'il me l'a filé une semaine après et que du coup, c'est fait. C'est fait. Et puis après, ce sera le vaccin. Donc, oui, le vaccin. Moi, je vous annonce, les auditeurs, je me fais vacciner le 2 juin. Donc le 2 juin, les enfants, et j'ai plein d'enregistrements d'émissions dans le second studio, juste après le 2 juin. Déjà, j'aurai Sonia Rousset qui a fait The Voice là, cette année, qui sera à Saint-Denis-des-Vosges le 5 juin, sans enregistrer. On va enregistrer, donc ce sera diffusé une semaine après. Donc j'aurai peut-être deux têtes. Ou peut-être quatre bras. Ah, c'est pratique ça. Ça va être pratique, quatre bras avec la console. Je pourrais faire plein de trucs. Ah, ça va être génial. Ouais, super. Non, j'ai décidé aujourd'hui. Je me suis dit, il faut que je me fasse vacciner parce que novembre, on est au mois de mai. Donc, j'avais compté mai, juin pour faire vacciner. Et puis, voilà. Puis, j'étais voir mon médecin ce matin. Voilà, je lui ai demandé conseil si je devais ou pas me faire vacciner. Du que je l'ai eu au mois de novembre 2020, elle m'a dit, allez-y, vous faire vacciner. J'ai dit, d'accord, très bien. Merci, docteur. C'est gentil. 30 euros, monsieur. Voilà. C'est vrai. De toute façon, je pense qu'il y a un moment où on va tous devoir y passer. Donc, tout à fait. Quoi qu'il en soit, autant le faire tout de suite, comme ça, c'est réglé. Voilà, autant le faire maintenant. Et puis, de toute façon, tout le monde y passera. On sera obligé d'y passer pour que ça revienne qu'on dise que ça revienne à la normale. On sera, même les chanteurs, ils seront obligés de se faire vacciner pour remonter sur scène. Oui, tout le monde. Je pense. Ça, c'est... Et encore, pour un retour à la normale, quel que soit le normal qui en sortira. Mais On peut dire merci qu'ils ont quand même pu trouver des vaccins au bout d'un an. Donc, ça aurait été quelques années en arrière, 20 ans en arrière, je pense qu'ils n'auraient pas trouvé des vaccins au bout d'un an. Donc, on peut s'estimer heureux que la science évolue d'année en année. Et franchement, ça, c'est aujourd'hui merci aux chercheurs qui cherchent. Et on aura bientôt le vaccin français, les enfants, pour le rappel. Eh oui, et hop, vaccin, tic, piqué. Carla, on va parler des clips là, on va parler des deux clips, le clip Naïve et des fleurs sous ma peau. Ils ont été tournés où ces deux clips? Est-ce que tu peux nous parler de leur mise en image, Carla? Ouais, alors ils ont été tous les deux tournés à Bruxelles. Ouais. Avec une boîte que j'aime beaucoup, Octopods, avec deux réalisateurs qui sont très sympas et qui sont moi j'aime bien en général quand j'arrive et que je demande un clip à quelqu'un, j'aime bien donner une idée générale vite fait de ce que j'ai en tête ou en tout cas ce que la chanson voulait dire pour moi et laisser le réalisateur me proposer ce que lui a comme vision qui pourrait agrémenter mes paroles. Et ça a donné deux clips que moi j'aime beaucoup en tout cas après. Naïve, c'est un plan séquence. Ça a été un tournage du coup très éprouvant, même si ça se voit pas au résultat, ce qui est super, mais c'est vrai que ça a été très dur parce qu'un plan séquence, ça demande beaucoup de concentration, beaucoup de répétition de beaucoup de personnes ensemble, et on peut avoir déjà tourné 2 minutes du clip et dire stop et devoir reprendre à zéro parce qu'il y a eu une petite erreur, donc c'est éprouvant physiquement et mentalement. Et voilà, on avait vraiment envie de montrer, comme je disais, Naïve, c'est une chanson qui part du fait que ma naïveté m'emmène dans des situations tristes, mais à la fin j'ai envie de voir ce côté lumineux de la naïveté, et donc voilà, dans ce plan séquence il y a vraiment le trajet de la noirceur à la lumière. Et sur ce plan séquence sans arrêt pour dire que tout est connecté et voilà. Et moi je l'ai vu le clip Naïve, vachement. Il était tourné en une seule fois, quand un seul plan quoi. Donc exactement. Et à la fin on la retrouve quasiment de dos, voilà, et puis pas de vêtements. Et puis pas de vêtements, parce que on avait envie de comme je disais, ça, Naïve, c'est le premier clip que j'ai sorti, le premier single et le premier clip de cette EPC. Et comme je disais, c'est vraiment un retour à moi-même complètement, sans aucune influence extérieure. Et du coup, il y avait cette envie, plus que de transcender un peu Naïve, mais de parler de l'EP en général et de dire, OK, là, on revient à l'essentiel. Il n'y a plus de fioritures, il n'y a plus d'ornements, il n'y a plus d'influence extérieure. C'est moi tel quel, vous prenez ou vous ne prenez pas, mais c'est comme ça. Ah oui, et puis il est très réussi. Les deux sont très réussis. On parle des deux. Est-ce qu'il y aura en projet un nouveau clip prochainement, Carla? Alors, j'aimerais bien. Je devais tourner un clip pour Shortcut No Bra, justement, quand j'étais en Inde au mois de janvier et février. J'étais en Inde pendant deux mois. Février-mars. Et je devais tourner un clip là-bas pour Shortcut No Bra. Et puis, bon, la situation sanitaire en Inde est partie en drame, vraiment. Carrément. Et c'est très, très dur pour nous de le voir de l'extérieur. Ouais. Et donc je n'ai pas pu le tourner. Et c'est vrai que depuis que je suis rentrée, du coup, je ne m'y suis pas encore attelée parce que j'étais d'abord en Belgique, puis maintenant à Londres. Et je pense que quand je serai officiellement installée à Londres, peut-être que oui, je penserai de nouveau à me pencher sur un clip pour Shortcut No Bra. Ah, ou si d'ici là j'ai écrit et enregistré assez vite, je ferai un clip pour un des nouveaux morceaux. Ah super. C'est super, moi je te lâche plus, moi je te suis sur les réseaux sociaux, donc moi, j'aime bien Carastac, j'aime bien ton univers, j'adore, franchement c'est bien. Merci. Quels sont tes coups de cœur musicaux du moment, Carla? Oula, il y en a beaucoup des coups de cœur musicaux du moment. C'est un peu compliqué de choisir, mais alors c'est souvent pas des choses forcément récentes. J'écoute beaucoup un groupe qui s'appelle Riddle Kicks en ce moment, qui est un groupe de rap londonien, londonien, ils sont anglais, je sais pas s'ils sont exactement londoniens, que j'écoutais beaucoup il y a 10-15 ans et que je réécoute maintenant, que j'aime beaucoup. Le nouvel album de L'Or du Commun, qui est très très bien. En termes de rap belge. Qu'est-ce que j'écoute d'autre? J'écoute l'album des Strokes qui est sorti l'année dernière ou en 2019, je ne sais plus. Qui est aussi très très bien. Voilà, plein de choses. C'est un peu difficile parce que j'écoute vraiment énormément de musique, de playlists que je découvre et c'est rare que je tombe sur des morceaux que j'écoute en boucle. Voilà. Ouais. D'accord. Moi, je t'écoute parler. Moi, j'aime bien t'écouter parler. J'aime beaucoup Pomme aussi. Ah, Pomme, t'aimes bien aussi Pomme. Il y en a beaucoup des artistes qui aiment bien Pomme. Hein. Non, pas Apple, oui, hein, Pomme, la chanteuse. Donc, celui qui est derrière. À juste titre, c'est tellement beau et naturel. J'aime bien aussi. J'aime bien cet artiste aussi. On va écouter Carla Stark. On va t'écouter chanter. On va écouter Everything I'm Not et on va écouter La Peur est Humaine. Et puis super. Ce sera l'instant pause pour moi parce que il faut que j'y aille parce que voilà, depuis tout à l'heure je veux y aller et je pense que je vais y aller pendant cette pause. Allez, on revient juste après avec Carla. Everything I started and there's everything I stopped. écho fébrile qui fixe un reflet dans la glace. La peur indélébile de prendre cette vérité en face. Du noir, du vert, du bleu, des étincelles dans les yeux. Comme des photos de nos rêves de mieux. Prendre sa faiblesse à demain, remettre à des jours lointains. Se répéter qu'au fond, au fond, bah, on n'est rien, tenter d'attraper son destin, laisser filer les lendemains. Essayer de repousser la fin. Mais tu sais quoi, la peur est humaine. C'est la boule au ventre avant la scène. Coule, coule l'audace dans nos veines. La peur est humaine, la peur est humaine. La phobie du néant, du manque, du sang, du vent. La peur de pas y arriver à temps. De vouloir, trop vouloir, toujours vouloir, sans recevoir. Tout simplement la peur du noir et occulter le meilleur pour assumer pleinement le pire. Penser n'avoir plus rien à vivre, plus rien à faire, plus rien à dire. Se sentir vide, amer, oublier même comment faire rire. T'inquiète pas, l'angoisse donne toujours à écrire. Mais tu sais quoi, la peur est humaine. Avant la scène, coule, coule l'audace dans nos veines. La peur est humaine. J'ai peur d'aimer, peur de voler. J'ai peur de couler, peur de nager. J'ai peur de casser, j'ai peur d'avancer. J'ai peur de brûler, j'ai peur des regrets. J'ai peur de briser, peur de tomber. J'ai peur de taper, j'ai peur de caler. J'ai peur d'essayer. J'ai peur de cogner, j'ai peur de cramer. Chérie, c'est moi, j'aimerais te parler. Je serai toujours là pour toi, est-ce que tu le sais? Je veux te dire que je t'aime, que tu es un rêve. Et te voir grandir, c'est un privilège. Tu es mon fils, mon sang, la chair de ma chair. Si tes jours sont obscurs, je serai ta lumière. Aujourd'hui tu es grand, tu t'en vas voir le monde. Tu sauras voir ce qu'il a de plus beau, mettre de côté ce qu'il a d'immonde. Je suis vide sans toi, j'ai peur de dire adieu, je t'imagine près de moi. Et là je me sens mieux, j'en fais peut-être trop, c'est normal. Je suis une maman, une qui a juste peur de voir partir son enfant. Des efforts pour toi, je n'en ferai jamais assez. J'ai l'impression que parfois, je n'ai pas su te porter. Pourtant, je te le promets, j'ai tant de fois essayé. Pourtant, je te le promets, j'ai tant de fois essayé. Tu quittes notre maison, et j'avoue que ça me fait peur. Loin des yeux peut-être, mais jamais loin du cœur. Tu étais le roi du monde que je t'avais bâti. Je ne peux pas croire que tout cela soit maintenant fini. Comme l'impression que ça n'a jamais commencé, moi qui croyais que de toi. Je ne pouvais pas me détacher, plus de balades au bord du lac. D'après-midi passer au parc, à te voir sauter dans les flaques. Ou t'emmener manger au snack, t'apprendre à cuisiner. Te regarder, t'amuser, le soir te câliner. Puis prendre le temps de te bercer. Pourquoi fallait-il que tu partes, à peine arrive et tu m'échappes. Mon fils reste avec moi, s'il te plaît ne me quitte pas. Où est-ce que tu comptes aller, qu'est-ce que j'ai mal fait? Était-ce ta destinée, comment aurais-je pu te garder? Ne trouves-tu pas que c'est tôt pour me faire tes adieux? Ou alors est-ce que tu m'en veux? Maintenant je vois C'est moi qui ai fauté. Pourquoi resterais-tu dans une telle pauvreté? Je n'ai pas su retenir ton père. Impossible de te rendre fier. C'est sûr, tu aurais souffert. Je n'ai pas l'étoffe d'une mère. J'aurais tellement aimé que tu écoutes toutes mes paroles. Je sens maintenant mon chagrin qui dans mon corps foisonne. Mon fils, je te regarde, mais doucement tu disparais. Alors je m'accroche à toi et au rêve que tu étais. Car oui, tu n'es pas né et je ne te verrai jamais. Mon fils ne m'en veut pas, mais je vais devoir t'avorter. C'est... Et voilà, c'est bing, fini. Boum. Car là, on est à l'antenne. Je t'ai mis. Super. Parce qu'on avait écouté un autre titre d'un autre artiste qui a fait The Voice aussi, qui s'appelle Tariq. Lui, il fait du rap slam. Donc, il a sorti un titre aujourd'hui qui s'appelle Mon Chéri, le titre. Et on a écouté extrait de ton EP, on a écouté La Peur est humaine, on a écouté Everything I Know, on a écouté quoi aussi? On a écouté ces deux titres-là aussi. Et on a écouté aussi. Donc ça fait 1, 2, 3, 4. On a 5. On a écouté les 5 titres de Carla. Ouais. Parce qu'on a écouté Naïve avant. Mais on diffusera un titre de Carla tout à l'heure. Nous, on retourne dans nos questions. Donc les questions, j'en étais où avant ma pause, moi? Parce que quand je prends une pause, je prends une pause. Hein. Donc. J'avais posé celle-ci. De coronavirus et de mes influences musicales avant. Voilà. Est-ce que tu écris et composes, Carla? Alors, j'écris mes paroles moi-même. Ouais. Je compose, mais j'ai jamais utilisé une de mes compositions. Je compose dans ma tête, mais c'est pas encore sorti en musique publique. Mais j'écris beaucoup, beaucoup de paroles. Ouais. Et sinon, en général, donc mon premier album a été composé entièrement par Esaï Altounian. Et pour les singles que j'ai sortis ensuite et cette EP, ce sont des productions. Soit je travaille avec des producteurs, Everything I'm Not par exemple, c'est un producteur autrichien qui s'appelle Julian Hunninger, qui est super, avec qui j'ai travaillé sur celui-là et sur La Peur est humaine. Ou alors je trouve des productions en ligne que je retravaille un petit peu après et je mets ma propre mélodie et mes paroles dessus. Et t'as pas encore sorti un titre de toi que t'as écrit? Que j'ai composé, non. Que j'ai écrit, oui. Toutes les paroles sont les miennes. Toutes les paroles et les mélodies sont les miennes. Et les compos, ça viendra plus tard peut-être, quand je me sentirai mieux avec. Et combien de temps t'as mis pour faire le dernier EP, là, EC? Ça a été assez retardé du coup à cause des confinements, parce que j'ai pas pu aller au studio quand il était fermé et ainsi de suite. Donc entre le premier single Naïve qui est donc sorti fin novembre et que j'avais enregistré début novembre et la sortie de l'EP le 12 mars, il y a eu environ 6 mois. Six mois. Alors qu'en règle générale, pour 5 titres, si j'avais eu un studio à disposition, j'aurais peut-être pu faire ça en 3 semaines, 1 mois. Ouais. En tout cas, l'enregistrement et puis ensuite retravailler après. Mais là, ça a mis 6 mois du coup. 6 mois quand même. Et puis il est réussi, cette EP. Donc. Merci beaucoup. Et on aura une partie 2 de cette EP prochainement. C'est le plan. Qui pourra faire un album complet donc en physique, parce que moi j'adore le format physique. Ça, c'est un truc que j'aime bien avoir, le CD dans la main de l'artiste. C'est un bel objet. Ah oui, c'est magnifique. Cet objet, puis ça me rappelle ma jeunesse aussi. Moi, je suis la génération CD, donc puis même vinyle. Hein. Ah bah oui, moi aussi. Hein. Ah oui, même vinyle, moi. Hein. Donc, c'est des choses qu'on retrouve petit à petit, les CD, les vinyles. C'est bien, ça fait plaisir, ça revient à la mode. Oui, la culture du vinyle qui revient, c'est vrai que c'est un côté sympa. Ouais, c'est sympa, puis le son est complètement différent en vinyle. Ouais. C'est ça qui est bien, t'as les petits claquements dessus, tu sais. Sur le vinyle, ça c'est vachement magique, t'as l'impression que t'es à côté d'une cheminée, ou des fois le disque il peut sauter, Ouais. Marrant, et puis chaque craquement est personnel. Chaque vinyle, il y a un côté unique sur le vinyle qui n'y a pas sur le streaming ou sur les CD. Chaque vinyle va sonner différemment. Oui. Qu'il n'y a pas sur la. Il ne va pas craquer au même endroit. Ah, tout à fait. quels sont les sujets que tu as envie de t'exprimer dans tes prochaines chansons, Carla? Alors, une des chansons que j'ai déjà commencé à écrire, je trouve qu'on est un peu submergé et je pense que je suis pas la seule par l'information. On sait plus trop quoi en faire. À la fois, on a la chance de vivre à une époque où on a accès à toute l'information, la bonne et la mauvaise. Malheureusement, c'est difficile de faire le tri soi-même. Mais et à la fois, on est tous un peu submergés, quoi. Et le flot d'informations qu'on prend dans la tête. peut être un peu overwhelming, comme on dit en anglais. Il y a trop d'infos à gérer et je pense qu'on ne se rend pas compte de l'impact mental que cet accès constant à l'information que souvent on ne demande même pas à avoir, mais qu'on se prend quand même, peut avoir. Et donc je pense que je ne suis pas seule à me sentir un peu submergée par tout ça. Donc voilà, c'est un des sujets que j'aimerais aborder là-dedans, dans le prochain EP. Dans le prochain EP. Avec quel artiste avec qui tu aimerais collaborer ? Ouf, on est dans le domaine du rêve, un Stevie Wonder par exemple. Waouh, ah oui, là c'est la classe. Hein. Mais bon, on est un peu dans le domaine du rêve. Ouais, bon, faut pas rêver, il faut y croire. Il faut y croire dans ses rêves. Il faut y croire, Non, justement, quelqu'un comme Pomme. Voilà, des gens qui écrivent aussi un peu, je trouve, sur leurs propres blessures et comment leurs propres blessures peuvent être les blessures de tout le monde. Voilà, ce serait beau. Bah, ça va être beau, hein, ça peut se faire. Hein. Donc voilà, le message est passé. Si elle m'entend. Stevie Wonder, tu parles français. Hein. Si, elle m'entend. Il parle français, donc I'm sorry, no French. Ouais, c'est ça. Tu parles français, donc Carla Stark veut faire un duo avec toi. Pomme aussi, tu parles français aussi, Pomme. Elle veut faire un duo, voire même un album. Et puis pourquoi pas une première partie dans l'un des concerts de Stevie Wonder ou de Pomme hein, aussi, hein, pourquoi pas. Donc pourquoi pas, ouverture. Là, l'idée de retourner sur scène fait rêver quelle que soit la scène. Tout à fait. Alors ici, attention, c'est leur instant bugage d'artistes, puisque beaucoup d'artistes, quoique là en ce moment, ils ont su répondre quand même à cette question, et je les applaudis parce que franchement, c'est pas facile cette question. Et c'est pour ça que j'ai rajouté un joker. Donc le joker, si tu prends le joker que tu n'arrives pas ou que tu ne veux pas répondre à cette question, tu peux le prendre, ce joker, mais ce joker, tu devras poser une question à un membre dans le studio, et comme je suis tout seul dans le studio, donc ce sera destiné à moi, cette question. Et bien sûr, j'ai oublié de dire que tu auras 10 secondes pour y répondre, juste après la question nommée. Attention, 3, 2, 1, quelle est la question que l'on ne t'a jamais posée en interview et à laquelle tu aurais aimé répondre ? Elle n'a pas entendu. Je répète, tu m'entends ? Ouais, c'est bon, c'est revenu. Alors, 3, 2, 1, quelle est la question que l'on ne t'a jamais posée en interview et à laquelle tu aurais aimé répondre ? Top chrono, 10 secondes. Oula, quelle chanson tu aimerais qu'on joue à ton enterrement ? C'est un peu dark. C'est un petit peu dark. C'est dark là. C'est la pression de 10 secondes. Quelle est la chanson que tu aimerais qu'on joue à ton enterrement le plus tard possible? Ouais, très loin. J'ai peut-être le temps de changer d'avis d'ici là, mais au jour d'aujourd'hui, ce serait Babe, I'm Gonna Leave You de Led Zeppelin. Ah, wow. Ah ouais, quand même. Ouais. Ah, c'est pas rien, Led Zeppelin. C'est pas rien. Ouais, plus tard possible, voilà, hein, vraiment le plus. Le plus loin. Voilà, c'est ce que je dis. J'ai peut-être le temps de changer d'avis 120 fois avant ça, mais. Ouais, en l'an 3000, hein. Voilà. Comme ça, on sera immortel. L'an 3000, j'espère pas quand même. On sera plus là. Il y a un moment où j'aurai fait ce que j'ai à faire. On sera ailleurs. On sera sur une autre planète, on chantera à tous. La planète où voilà, on chante. Exactement. Pour aller chanter avec John Lennon et. Ouais, c'est clair. Histoire d'aller rejoindre les autres. Carla, bah tiens, comme tu es à Londres ou même après quand tu retourneras en Belgique, est-ce que tu as des projets de te produire sur scène prochainement ? Alors j'en ai pas dans l'immédiat parce que justement comme ce déménagement londonien s'est rajouté dans l'équation, voilà, moi maintenant quand je serai officiellement ici de me recréer un petit cercle de musiciens et de recommencer. Voilà, j'ai hâte en tout cas. Bah oui, hein, bah oui. Bon, ne serait-ce que tu pourras venir quand même un petit peu en France, sur scène, sur des ne serait-ce que. Ah, j'aimerais bien aussi. Je suis quand même française au départ. Ouais. C'est un petit peu international comme une française qui vit en Belgique, maintenant à Londres. Bah, ça fait beaucoup d'infos, mais à moitié à Londres et puis un peu en Inde aussi beaucoup. Donc oui, mais la France reste dans mon sang, en tout cas. Ah, oui. Donc j'aimerais bien. Eh bien, ça se croit. Quand tu chantes pas, Carla, est-ce que tu as un hobby, une passion autre que la musique ? Je fais beaucoup de mots croisés de Michel Laclos, mais je sais pas si ça compte. Waouh ! Non, ouais, c'est un hobby un peu particulier, mais ça me détend vraiment. Non, à part la musique, bah, comme je dis, j'écris beaucoup. Donc, j'ai écrit un spectacle, j'ai co-écrit un spectacle avec mon compagnon qui s'appelle Zindagi, qui devait tourner, c'est ce que je disais, faire une tournée européenne en 2019, puis en 2020, puis en 2021, et qui a maintenant été pas forcément annulé, mais on attend de voir ce qui se passera pour replanifier une tournée parce qu'on en a un peu marre de repousser. Ouais, bah oui. Donc voilà, le monde du Bollywood. Et puis si on me suit sur Instagram, on verra que je fais aussi plein de petites vidéos justement sur des chansons Bollywood vintage parce que le monde du Bollywood me fait beaucoup rire. Ah oui, c'est sympa ça. C'est très sympa. Donc, ça t'est en tout cas, côté, ça met de bonne humeur. Ça t'est mis de côté, puis tu le ressortiras, vous le ressortirez quand le moment sera là, quoi. Quand ça sera revenu. Quand on parlera du Covid au passé. Donc, exactement. Pour bientôt. On dira jadis à l'époque du Covid. Ouais, ce sera bientôt. Quand on parlera du Covid au passé, les enfants, ne vous inquiétez pas. Ça, c'est clair. On espère. Quel est ton meilleur souvenir depuis le début de ta carrière, Carla? Mon meilleur souvenir, c'est dur parce qu'il y en a quand même beaucoup. Je pense que mon tout premier concert au Réservoir à Paris, qui était justement pour le lancement de mon album, et mon papa est monté sur scène pour jouer avec moi. Mon papa, il est chirurgien, mais il joue beaucoup du saxophone. C'est un peu pour ça que j'ai grandi avec de la musique dans ma vie. Et du coup, il est monté pour jouer avec moi sur Dreaming of You, et ça reste un super moment pour moi. Wow. D'avoir pu être sur scène. C'était pas la première fois que j'étais sur scène, mais c'était la première fois avec mes chansons, un micro et en tant que chanteuse. Et de chanter mon texte avec mon père qui m'accompagnait, c'était un très beau moment. Parce que bon, ça s'oublie jamais, ça, ces moments-là, hein, en famille. Ouais, et puis on a des photos pour ça, pour pas oublier au cas où. Ah, génial ça. C'est génial. Les photos, c'est immortel, les photos. si tu pouvais décrire la musique en un mot, ce serait quoi, Carla? Ma musique? Oui. Ma musique en un mot, ce serait éclectique, mais bon, c'est un petit peu vague, mais c'est un peu compliqué en un mot. C'est dur, hein? C'est dur, oui, c'est dur. Surtout à 22h05. Ah non, 21h05 en Angleterre, à Londres. Ouais, il est que 21h05, j'ai pas encore d'excuses pour être fatiguée. Mais je dirais perso global, si je peux inventer un mot. Ouais, pourquoi pas? Perso global. C'est de la musique qui m'est très personnelle, mais qui, je pense, peut parler à tout le monde en même temps. Donc voilà, perso global. Alors, inventons des mots. Et quels sont tes prochains projets là, pour cette année, et voire même en 2022? Bah, comme je disais, du coup, je suis en plein déménagement à Londres. Donc mes prochains projets, ça va être me reconstruire un entourage artistique ici, et puis travailler sur cette partie 2 de l'EP. Ouais. Et puis travailler sur comment mettre en place un petit concert et commencer à faire de la scène. Voilà, et puis retravailler sur cette tournée de nos spectacles Zindagi. On a aussi, j'ai une boîte de production avec ma maman, et on fait partie des producteurs d'une grosse comédie musicale qui s'appelle Noé, qui sera à Paris à la fin de l'année, à l'Hippodrome de Longchamp. Et donc il y a ça aussi dans les projets. On a hâte que Noé commence. Ouais. Voilà, plein de choses. Noé, c'est un projet dans lequel on est rentré il y a 5 ans, 6 ans, et qui prend vie aujourd'hui. Donc c'est quelque chose qu'on a vraiment, vraiment hâte de voir. C'est génial. Où peut-on retrouver on peut te retrouver où sur les réseaux sociaux, tiens, Carla? Alors, on peut me retrouver sur Facebook avec Carla Stark. On peut me retrouver sur Instagram, où je suis le plus active. C'est carlastark.music. Oui. Où vous me verrez du coup poster des photos de la musique, et puis, comme je disais, des petites capsules Bollywood, pour ceux que ça intéresse. Et puis c'est tout, je pense. Non, sur YouTube, bien sûr, où il y a les deux clips du coup de Naïve et des fleurs sur ma peau, et puis pas mal de clips des anciens albums, de l'ancien album et des anciens singles. Donc ça fait partie des choses dont je suis assez fière, le côté images, les images qu'on a réussi à mettre sur ma musique. Donc si vous voulez découvrir le reste des clips, vous pouvez le trouver, c'est sur YouTube. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année 2021? Et en retour, quel serait le message final pour ton public, Carla? On pourrait me souhaiter de la scène et des streams, parce que c'est ce qui me permettra de continuer à faire ce que j'aime faire aussi longtemps que possible. Et qu'est-ce que je souhaite à mon public? Le meilleur dans le monde d'après, en espérant que le monde d'après vienne rapidement. Et donc de retrouver de la joie et de retrouver du social et des gens et des rires tous ensemble et des concerts parce qu'il n'y a rien quand même qui soit à la hauteur de chanter la même chanson que plein de gens autour, tous ensemble, à l'unisson. Mmh. C'est une sensation qui manque à tout le monde, je pense. Tout à fait, ça manque à tout le monde, même moi. Voilà. Ouais. Tiens, je te laisse choisir un titre de ton EP. Un titre de mon EP à réécouter ou un ancien titre À réécouter. Et ben, je propose qu'on réécoute Naïve, qui est le premier que j'ai sorti et qui reste mon préféré, je pense. Oh, ça tombe bien, c'est dingue, hein, parce qu'il était calé. C'est pur hasard, c'est vraiment une pure connexion. C'était Naïve, ah ben voilà. C'était Naïve, c'est dingue quand même. Allez, je te souhaite une bonne fin de soirée, un bon début de soirée. Merci beaucoup. Et je te dis à très très vite, je te suis sur les réseaux sociaux et nous on écoute Carla avec Naïve. Merci Carla. Merci, bonne soirée à tous. Conversation, I'm good with silence. You see what I want you to see, that no one can break me. I'm smart and I'm witty, that no one can touch me. I'm easy and I'm free. Under it all, I'm not standing straight, I'm not looking dull. De son nouvel EP qui s'appelle C comme Carla, Carla Stark, que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Allez, nous on va aller chercher notre troisième invité qui s'appelle Neven, mais avant d'écouter d'accueillir Neven en direct dans la live antenne de Fred, on diffusera son premier titre tout à l'heure, mais avant de diffuser son titre, docile. On va écouter un petit titre comme ça pour avant de l'accueillir. On va écouter, Kiss Me More avec Doja Cat. Hein? Ça fait un petit moment que j'ai pas passé. Et on revient juste après avec Neven, les enfants. Posez les questions sur www.radiosyndi.fr. Vous allez se rejoindre nous et sur le chat live. Et puis nous, on arrive juste après avec Neven. Merci d'écouter un petit Doja Cat. Ça y est, je commence à bégayer. Ça y est, je suis en mode bugage, mais ne vous inquiétez pas, je vais me ressaisir. Je vais prendre un petit coup de Coca-Cola low cost. Et je vois que j'étais fait un petit tour sur le chat là tout à l'heure. Il y a du monde, disons, sur le chat. Posez encore vos questions, allez-y, hein, parce que je vais les poser. Puisqu'elle est avec nous ce soir, Neven. Bonsoir Neven, ça va? Bonsoir Frédéric et bonsoir tout le monde. Ça va très très bien, ouais. Super. Et je rappelle aux auditeurs que Neven, je l'ai découvert sur le site Groover avec le titre Docile, qui est ton premier single, hein, il me semble. Exactement. Ouais, j'ai découvert là et puis j'ai dit ok, super. On est d'accord pour te diffuser sur Radio Saint-Dié. Et puis on est d'accord aussi pour te faire découvrir encore plus aux auditeurs de la Live Antenne de Fred et de Radio Saint-Dié et de RCM bien sûr, parce que cette émission sera rediffusée le samedi 29 mai de 21h, non de 20h jusqu'à minuit, 1h, 2h, 3h, non jusqu'à 23h. Passé. 23h passé. Voilà. On va présenter qui est Neven. Rien de mieux pour présenter Neven. On va la laisser se présenter elle-même comme une grande. Et moi je vais te poser la question, comment débuter l'aventure dans la musique pour toi Neven? Alors, comment ça a débuté? J'ai toujours été attirée par la musique, en fait, mais au départ, quand j'étais toute petite, quand j'avais 6 ans, ça fait assez cliché de dire ça pour une chanteuse, en fait, mais c'est tellement vrai. En fait, je voulais être poète et écrivain. J'étais plus dans l'écriture, en fait, que le chant. Le chant, ça m'attirait pas trop, mais j'écrivais plein de poèmes. J'étais une grande rêveuse. Je suis toujours une grande rêveuse. Et voilà. Et je voulais vraiment faire voyager mes textes. Je passais ma vie à écrire. Et du coup, le temps a un peu passé. Ouais. J'ai continué à écrire. Et puis, tout naturellement, en fait, je suis venue à créer des chansons et à vouloir interpréter, en fait, mes propres chansons. Ouais. Et suite à ça, j'ai rencontré beaucoup de monde. Je me suis entourée de beaucoup d'artistes divers, de musiciens, de plein de choses. Et du coup, voilà, tout naturellement, je suis arrivée à chanter, écrire, tout ça. La musique, c'est vraiment... C'est ma vie depuis tout le temps. On va faire un petit tour sur le chat. Allez, on va faire un petit tour maintenant. Ouais. On va aller... Tiens, on va merci chercher. D'être nombreux sur le chat. Ouais. Il y a plein de questions, là. Sissi, tiens, Sissi qui pose une question. Neven, quand sors-tu ton prochain titre? Alors, très bientôt, on espère. J'ai été assez occupée, là, parce que j'écris. En fait, je suis auteur pour pas mal d'artistes. Ouais. À côté de ça. Du coup, j'avais un peu mis ma carrière personnelle, pas en pause, mais un petit peu au second plan. Mais là, on est en train de travailler cette semaine, justement, un nouveau titre. Ah. Donc, ça ne devrait pas tarder. Ça ne devrait pas tarder. Et aussi, ce Groover, je vais revoir du Neven, ce Groover. Ouais, exactement. Exactement. Avec grand plaisir. D'ailleurs, merci de m'avoir fait confiance. Hein. Oui, ben de rien, c'est avec plaisir. ça a descendu tout en bas la question. Il y a une personne qui vient de poser une question. On dit à Isa, bonsoir Isa, Neven, on t'aime. Dounia, il y a un nouvel. Alors, est-ce qu'il y a un nouveau feat avec Attic? Avec Attic? Écoutez, pourquoi pas? Non, avec Soul King. Est-ce qu'il y a un. Ah, alors en fait. Soul King, c'est un de mes grands amis. Ouais. Ça fait des années qu'on travaille ensemble. Ça fait peut-être 4 ans ou un peu plus même maintenant. Et pas de featuring prévu pour l'instant, mais on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, en fait. Je me dis que de toute façon, de toutes les manières, on collabore ensemble depuis des années. Ouais. Et on continue à collaborer actuellement. Donc en fait, un jour, ça viendra sans doute. Ouais. Et on ne sait pas quand, on va voir. Je réfléchis ma mémoire parce que Soul King, ça me dit quelque chose. Oui, Soul King, il a fait pas mal de choses là. Il est quand même très connu. C'est un Algérien. Ouais. Il a fait un featuring avec Dadjo dernièrement qui s'appelle Ouais. Incroyable morceau, il est incroyable. Voilà. Ah, c'est lui, Soul King, voilà. Ouais. Ça me disait quelque Energy chose. Energy Music Awards cette année. Voilà. Avec Dadjo, le frère de Maître de Gims. Ah, Maître Gims. Voilà. Oh putain, Dadjo, je vais me faire tuer. Exactement. On a Anaïs qui dit « Quand bonsoir, avez-vous Anaïs. Commencé votre carrière artistique ?» Alors, j'ai commencé surtout par l'écriture. Justement, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé avec Soul King. Et lui a commencé à s'ouvrir un peu, parce que de base, il est plus dans l'urbain. Ouais. Et il a commencé à s'ouvrir un peu et à aller vers la pop, la variété française, etc. Ouais. Du coup, on a été amené à collaborer en fait sur l'écriture de plusieurs morceaux. Et c'est comme ça en fait que ça a vraiment démarré l'année dernière. Du coup, j'ai écrit un titre avec lui pour Luan. On a collaboré sur un titre avec Kenji. On a travaillé aussi sur un titre avec Camélia Jordana. Ah oui. Donc voilà, c'est lui qui m'a amené en fait à écrire pour tous ces gens-là. Et puis à côté de ça, j'ai toujours travaillé avec pas mal d'artistes. Voilà, il faut oser dans la musique. Tout à fait, t'as tout à fait raison, il faut oser avec la musique. Et ça, c'est ce qui fait que quand on ose, on a des résultats. Comme par exemple, ouais, c'est ça. Et moi, j'ai eu la chance de toujours avoir autour de moi des amis qui sont super bienveillants, qui ont toujours cru en moi. Qui m'ont pas dit, mais non, c'est pas ça, c'est pas un métier, va faire autre chose, va travailler dans un bureau, etc. Ils m'ont toujours soutenu, Ils ont toujours été même plus fous que moi dans mes rêves. J'ai une amie à moi, Kumba, et une autre amie, Joy. Elles sont vraiment, elles m'ont porté quoi. Pour mes amis m'ont vraiment porté. Ils m'ont jamais coupé dans mes élans et dans mes rêves quoi. Et ça c'est trop bien quoi. On a Dounia qui est hyper fan de toi, qui dit je t'aime trop, t'es la meilleure vraiment. On a Dounia qui dit aimez-vous l'Algérie et les Algériens. Mais j'aime trop. J'adore l'Algérie et les Algériens. Je n'y suis pas encore allée malheureusement parce que Covid, voilà, on connaît. Ouais. Mais je pense que quand je vais y aller, ça va me faire beaucoup d'émotions. J'ai vraiment hâte de découvrir. Les Algériens, c'est un public très fidèle et qui soutient énormément. Et enfin, j'ai trop de chance. J'ai trop de chance. Les gens sont vraiment trop, trop, trop bienveillants avec moi. On a plusieurs questions. On a Anaïs qui dit quand ton album sortira-t-il. Anaïs, quand ton album sortira-t-il. Anaïs, quand ton album sortira-t-il avec un alors. On a Anaïs, gentil. On espère bientôt là. On a là, je suis vraiment en train de travailler très très sérieusement sur mon album et sur les titres à venir. Trouver des soutiens à droite à gauche. Les radios, déjà, c'est important qu'elles soutiennent. Donc, vraiment, je réitère mon remerciement parce que c'est super important que les radios soient là pour soutenir les gens à droite, à gauche. On est en train de construire l'album, là. On a aussi les Vosges, hein. Attention, on a les Vosges. On a Patricia, bonsoir Patricia, qui dit bonsoir de Saulcy-sur-Meurthe. C'est tout prêt. Là, c'est trop bien. Non, mais en plus, moi, j'ai une partie de ma famille qui vient des Vosges, alors. C'est bien. Raon les tape, une grosse partie. Oh, je connais Raon les tape. On les salue, ils nous écoutent. On a Lina qui dit à Skippy un duo avec Soul King. 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois. Voilà. 7 fois, Lina. Fois. Lina. J'ai un peu tout à l'heure, du coup. On va voir ce que l'avenir nous réserve, quoi. Voilà, l'avenir. On travaille continuellement ensemble. Voilà, il est là, Soul King, il est là. On est comme des frères et sœurs, vraiment. Donc, on va voir. On a Max qui dit quel est ton clip préféré, Neven? Quel est mon clip préféré? Ça, c'est une très bonne question. Il y a plein de clips que j'adore. Moi, au niveau de l'esthétique, j'adore Lana Del Rey. J'adore ces clips. Mais maintenant, il y a tellement de clips de fous. En fait, j'adore les clips à concept, qui racontent une histoire, etc. Vraiment, je suis ouverte à tout. On a Patricia qui dit « Neven, quelles sont tes influences ?» Quelles sont mes influences? Mes influences, j'ai plein d'influences différentes. De base, je viens du rock, parce que j'écoutais beaucoup. J'ai beaucoup la pop, la variété française d'aujourd'hui et d'hier aussi. Je suis passionnée de variété française de tout temps. Et j'ai l'urbain aussi beaucoup parce que je travaille beaucoup avec des gens de l'urbain maintenant, donc du rap aussi. Donc vraiment, ça, je mélange un peu tout. Tu mélanges, tu fais un peu. Ça fait mon univers, voilà. Ça fait ton univers. Et comme ça, c'était prévu que tu me l'as dit, ton univers musical. Donc, et moi. Je vais te demander, comment tu donnerais envie aux personnes qui ne te connaissent pas d'écouter ta musique, Neven? Alors, c'est une très bonne question. Je leur dirais que je pense que je peux parler à certaines personnes parce que vraiment, je fais ma musique avec mon cœur, en fait. Mes paroles avec mon cœur et je décris ce que je vis et j'essaye de transformer mes expériences de vie, les bonnes et les mauvaises, dans des chansons. Je raconte vraiment mes histoires de vie, mes expériences, etc. Donc je pense que voilà, on peut se reconnaître là-dedans. Les histoires d'amour, beaucoup, les déboires sentimentaux, tout ça, j'essaye de vraiment le transcrire à l'intérieur de mes morceaux. Donc je pense que ça peut parler aux gens, en fait. D'accord. On peut retrouver des similitudes. D'accord. On est tous connectés, quoi. Alors, pourquoi le pseudo Neven? Mais Neven, c'est mon deuxième prénom, en fait. Ah, d'accord. Oui, c'est original. C'est la première fois que j'entends un prénom, Neven. C'est quelle d'origine, Neven? Eh ben, je sais même pas, en fait. Je crois que c'est breton. Ouais. Mais je sais même pas. Je sais que c'est un prénom masculin, en plus. Ouais. C'est plus répandu chez les hommes, donc... C'est Celt, là je suis en train de regarder en même temps sur Internet. Regarde sur Google. Visiblement voilà. C'est Celt et ça signifie ciel. Ciel. Ça signifie voilà. Ciel. Voilà. Alors, on arrive à ton single. Le premier single, bah, le premier non. Parce non, que le premier, fait... le troisième qui est sorti. Le troisième qui est sorti plutôt. Mais les autres c'était des singles de confinement entre guillemets. D'accord. Est-ce voilà. que tu peux nous présenter ce single Docile et qu'est-ce que ça raconte ce titre? Alors Docile, c'est du coup mon dernier titre. Mmh. On l'a accompagné d'un clip qui a été fait par Hugo de SH Productions que j'aime trop. Mmh. Et du coup ça raconte, et ben ça retranscrit une période de ma vie où en fait je me rebelle entre guillemets. Ouais. Je suis dans une relation avec quelqu'un et j'avais tendance peut-être à être très... Ah bah voilà, j'ai mes chiens qui se battent derrière. Attention, c'est les dobards. J'avais tendance à être très... à être très... Non. Tendance à m'effacer un peu dans cette relation. Mmh. Et du coup, à un moment, je me suis réveillée et ça décrit un peu cet état-là, en fait. De... Cet état-là où je me réveille et je décide de prendre le pouvoir un peu plus, de retrouver ma véritable personnalité, de redevenir maîtresse de la situation, parce que je ne l'étais plus vraiment. Mmh. Et voilà, du coup cette chanson c'est pour ça en fait. D'accord, bah, tu sais quoi, on va l'écouter. On va écouter Docile, ben, le single de Neven, que c'est là, bah, c'est celui-ci que j'ai découvert sous Groover. Oui. Et on arrive juste après les enfants, peut-être qu'il y aura peut-être un petit shooting après. Je suis partie de rien, tu sais. J'ai appris toute seule, c'est vrai. Je tire un trait sur le passé. Tout ce qu'on m'avait promis, c'est dépassé. J'ai dû mentir sur ma vie, je suis dépassée. On grandit pas sans regret. Et quand je suis mon instinct, je ressens plus rien. Je sais pas où je vais ni où je serai demain. Y'a comme une histoire ratée, tatouée sur mes mains. Le passé, c'est le passé, parti de rien. Docile, je ne suis pas docile. Je veux être tranquille et je ne veux pas de toi, non. Abusé de ma confiance, pour toi j'ai plus de patience. Ça tourne autour de toi. Mais t'as pété les plombs, t'écoutes même pas. La vraie vie, c'est pas ça. On te dit qu'on t'aime, mais toi tu y crois. Tu te prends trop la tête, tu vois que toi. Et dans une cage dorée, tu finiras. Où t'étais, j'sais même pas. Y'a plus que ma voix que t'entendras. Et quand je suis mon instinct, je ressens plus rien. J'sais pas où je vais. Où je serai demain. Y'a comme une histoire ratée, tatouée sur mes mains. Le passé, c'est le passé, parti de rien. Docile, je ne suis pas docile. Je veux être tranquille et je ne veux pas de toi, pas de toi, non. Abusé de ma confiance, pour toi j'ai plus de patience. Moi je continue de te fuir. Et tu perds ton temps. Et tu passes ton temps à penser que je vais revenir. Mais là y'a plus rien à dire. Tu deviens de pire en pire. Et tu perds ton temps. Et tu passes ton temps à penser que je vais revenir. Docile, je ne suis pas docile. Je veux être tranquille. Et je ne veux pas de toi. Pas de toi, non. Abusé de ma confiance.

nanana. Oh nanani nanana. J'rentre dans la légende. Pourquoi ça t'étonne? Les jaloux m'saguent. Mashallah la légende. J'rentre dans la légende. Pourquoi ça t'étonne? Mashallah la légende. Les jaloux m'saguent. Hey hey hey. Nanani nanana. Nanani nanana. Oh nanani nanana. Nanani nanana. Nanani nanana. Nanani nanana. Oh nanani nanana. Les enfants d'écouter du Soul King d'Alida, hein. Tiens, on va faire un petit tour sur le chat pour répondre à Patricia pour la deuxième chanson. Le titre, c'était Instinct de survie de Neven. Voilà. Alors, on va sur le chat. On va faire un petit tour là, vite fait. Je regarde, je prends au hasard les enfants. Patricia est très active. Très active, celle-ci sur Meurthe, ouais, celle-ci sur Meurthe, t'es là dans la place, ouais, gros, c'est ça y est, je suis en mode délire. J'ai mis mon truc, allez, je remonte un petit peu le chat, ça a été posé, ça a été. Alors, on a. Attends, Calamity, alors j'aime bien, j'ai l'écran, j'ai des lunettes, mais je me penche à côté du micro pour bien voir le pseudo. On a Calamity qui dit: comment fais-tu pour rester si droit dans ce milieu qui peut être vu comme superficiel? Ah. Voilà, t'as ta réponse. Ah. En fait, ouais, bah oui. Voilà, t'as ta réponse. Il y a de tout, mais en réalité, dans la vie de tous les jours, je suis comme ça en fait. Je suis droite, je suis honnête, je fais les choses avec mon cœur et je suis pareil dans mon métier en fait. Je change pas. Après, c'est vrai que j'essaye de me mettre une carapace, comme on dit, parce que c'est vrai que c'est compliqué, hein. On va pas se mentir. Tout à fait. C'est très difficile. Et j'ai tendance à être super sensible, donc voilà. Mais ça, j'ai appris à me protéger, mais en gardant mon cœur pur, quoi. On a Lou qui dit: pour avoir envie d'écouter Neven, il faut boire ses paroles et ses mots. Mais elle écrit trop bien et j'adore trop. On a Rafi qui dit: bonsoir. Est-ce que bip bip bip? Voilà. Merci Rafi, t'as eu ta réponse, je crois. On a Ella: bonsoir. Est-ce que tu as des animaux? Oui. Je crois que c'est des poissons qu'on a entendu. Oui, voilà. J'ai un poisson chihuahua et un poisson pincher. Voilà, et j'ai un chat aussi. Allez, les chihuahuas, c'est les plus féroces. Ils sont tout petits, mais ils sont gentils. Féroces. Il est trop gentil. Moi, c'est un chihuahua mélangé avec un poméranian. Ouais. On dirait un petit loup, une petite hyène. Et il est trop gentil. Bon, il est super chiant, mais il est trop gentil. Il est super chiant, mais il est tout gentil. Ah, il est super. Il fatigue, quoi, mais je l'aime trop. Mais là, il dort. Ah, bah là, il dort. Est-ce qu'il te chante la chanson Chihuahua? De DJ Bobo. Oh là là, ça date, ça. Chihuahua. Ouais. Oh là là. Ça date, hein, ça. Ouais, ça date, mais ça avait cartonné. Ah ouais, ça avait cartonné. Et je crois qu'il y a même des remixes qui ressortent de temps en temps de cette, cette version-là. Ça cartonne. On a Hélas qui dit: c'est qui ton équipe proche? C'est qui mon équipe proche? Alors, mon équipe proche, ça fait longtemps que je travaille avec les mêmes personnes. Ouais. J'ai Alban Sturaro qui fait mille trucs. Ouais. Ingénieur du son, il mixe, il masterise, il est incroyable, il fait des prods aussi, des compositeurs. Donc lui, il est incroyable. J'ai une jeune fille qui s'appelle Hélène qui s'occupe de gérer ma communication à droite à gauche et qui m'aide. Ça, c'est mon équipe rapprochée, Soul King. En fait, je travaille beaucoup avec l'équipe de Soul King autour. Et voilà. Après, j'ai des intervenants qui viennent avec moi. Maintenant, je travaille avec un garçon qui s'appelle Ota, là, en ce moment. Et voilà qui est mon équipe proche. C'est ma garde rapprochée. Ouais. Et je change pas trop, en fait. Je garde les mêmes personnes. Moi, t'as bien raison. On a Soul King sur le chat. Attention, les enfants, ça rigole plus. Il demande: est-ce que t'es plus Covid? Lol. Donc, d'un côté, je me dis, je pense que c'est pas lui parce qu'il doit être dans l'avion. Ce genre de questions, ça pourrait être lui. Ouais, il peut depuis l'avion, Jessie. J'ai pas eu le Covid, non. Elle a pas eu le Covid. Je crois pas. En tout cas, j'ai pas eu de symptômes. Voilà. Non. Voilà. Oui, elle a pas eu le Covid. Hein. Puis on peut, des fois, bah, on peut pas avoir de symptômes puis l'avoir eu. Hein. Puis, Ça se trouve, je l'ai eu. Voilà. Oui, donc, oui, tout à fait. Que, voilà. Si ça va apporter quelque chose d'avoir cette info, mais merci pour la question. On a Patricia qui dit c'est moi, Patricia. Bah, Patricia, trop géniale. Et Léo aussi, merci, super active. Les gens sont trop géniaux là. On a Yuri qui dit j'habite à Alger. Salut Alger. Bonsoir Alger. Oh là là, Alger, on adore Alger. Il est quelle heure Alger là? Il y a pas une. C'est la même heure ou ils sont. Je sais pas quelle heure il est. Pour moi, ouais, hein, il doit pas y avoir grande différence. Je sais pas en fait. Je crois qu'il doit être plus tard. Il doit être une heure de plus, il me semble, à Alger. Bah tiens, Yuri, si tu peux me donner l'heure exacte de Alger en ce moment là. Oui, voilà. Nous, il est 22h44, je crois qu'il est 23h44 là-bas, il me semble. Hein. Si je dis pas de conneries, on a Lo qui dit bisous Neven avec 4 cœurs. Oh là là, gros bisous Lo. On a Lily qui demande, vas-tu sortir un album en 2021? Là, ils ont envie que tu sortes un album en 2021. Et moi aussi, j'ai envie de sortir un album en 2021. Je travaille beaucoup pour ça. Je travaille tous les jours et toutes les nuits. Ouais. En 2021, honnêtement, ça va être compliqué, mais en 2022, c'est sûr. Bah, et puis, c'est beaucoup de travail, les enfants, pour sortir un album. Hein. Il faut écrire les chansons, il faut composer. Après, bah, y a pas que ça. Il y a la finition de chaque chanson. Donc, il y a des mois et des mois de travail. Hein. Ça se fait pas en 2-3 jours. Hein. Donc, je pense que d'ici 2022, vous pourrez avoir un album de Neven. Donc, Oui. 2022, c'est sûr. Et franchement, en plus, c'est vraiment la création. Bah, c'est super bizarre, tu connais. Donc, c'est des fois, tu vas être inspiré par un truc, tu vas produire à fond, et puis après, plus du tout. Quoi. Tout à fait. Donc, voilà. Bah, tiens, comme on parlait de Covid, on va parler un petit peu vite fait. Comment tu as vécu cette situation, toi, en tant qu'artiste? Eh ben, moi, ce que je dis, c'est que bizarrement, ça a été une de mes meilleures années. 2020 a été incroyable pour moi, j'ai beaucoup travaillé, mais ben, j'ai eu beaucoup de chance, et je le dis, et même maintenant, j'ai encore énormément de chance d'avoir pu travailler, d'avoir pu garder cette activité, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas eu cette chance-là, malheureusement. Ouais. Et je l'ai vécu quand même, bon, après moi je suis quand même assez casanière, hein. J'aime bien rester chez moi, j'aime trop être seule, en fait, au début, ça allait, bien que ce soit hyper anxiogène et que ce soit très, très bizarre à vivre. Ça a été, je pense, une expérience traumatisante pour tout le monde. Mais bon, au final, voilà, je suis restée chez moi, j'ai beaucoup écrit, j'ai regardé plein de films, j'ai beaucoup écouté de musique. Ça m'a permis de me poser. Ouais. J'ai conservé un lien toujours avec mes amis proches, parce que je pense que comme quasiment tout le monde, je passais mon temps sur le téléphone ou voilà, en visio. On a pris des nouvelles habitudes, quoi. Mais là, comme je le dis, ça fait du bien de revoir de la vie, en fait. C'est vrai, c'est vrai. Parce que les concerts, ça manque. Les concerts, c'est horrible. Bah, ça manque, hein. Ouais. Vivant que ça revienne, mais ça revient tout doucement, quoi, mais ça va revenir. Après le 9 juin, je crois que la jauge va changer pour les spectacles. Je sais plus, c'était à combien, j'ai pas trop bien regardé le calendrier. Oui, en tout cas, 5000, mais après, je sais pas. 5000, c'est pas mal, hein, 5000. Hey, c'est pas mal. J'ai acheté de la coche. 5000, c'est pas mal quand même. Hein. C'est même très très bien. Allez, on parle du clip docile qui est sur ta chaîne YouTube. Ouais. Neven. Ouais. Est-ce que il a été tourné où ton clip docile? Est-ce que tu peux nous parler de sa mise en image, tiens, de Neven? Eh ben, en fait, c'est un jeune garçon qui s'appelle Hugo, donc qui a monté sa société qui s'appelle SH Productions. Mmh. On s'est rencontrés, on s'est trop bien entendus. Il doit avoir 19 ans. Franchement, il sort de l'école. Il a encore un pied dans l'école. Ouais. Mais il est trop plein d'idées. Donc il est venu, il avait 50 000 idées, comme moi j'avais 50 000 idées. Il est hyper actif de fou. Et donc, en fait, on s'est trop bien entendu. On a créé un truc tous les deux. Il m'a créé des décors incroyables avec où les gens de là-bas ont collé des feuilles partout, je sais pas combien de milliers de feuilles sur les murs et tout. Ils ont été complètement fous, mais trop bien, des décorateurs de dingue et un réalisateur de dingue. Franchement, j'ai eu trop de chance. Ils étaient tous hyper motivés pour bosser avec moi. Ouais. Et on a essayé de faire des scènes différentes, des décors différents pour essayer de montrer un peu ce que je pouvais avoir dans ma tête et les différents personnages que je pouvais avoir à l'intérieur de moi, en fait. C'est mes mondes intérieurs, un petit peu. Alger, j'avais demandé l'heure qu'il était, j'ai regardé sur Google, il est 21h48 à Alger. C'est-à-dire qu'il est une heure de moins que chez nous. C'est dingue, hein, quand même. Ça, eh ben, 21h48, ok. Ouais, Alger, en Algérie. Parfait, ouais. Il y a une heure de moins, ok. On a Lou qui demande, si tu devais faire un duo, quel artiste choisirais-tu ? Il y en a plein, franchement. Si je devais en choisir un seul ? Ouais. Je sais même pas choisir. Déjà Soul King, disons Soul King parce que Soul King, voilà. On a Max qui marque le cœur comme balle là. Ah oui, alors. Parce que le cœur comme balle, c'est un titre à moi. Donc, tu sais quoi, Max ? Je vais te faire plaisir parce que je vais le passer parce que je l'ai aussi. Et on revient juste après. Cœur comme balle, sans. passé et j'ai déjà regretté par le passé. Je suis lassée, j'ai jamais voulu rester. Je t'ai promis et j'ai menti. Je m'en suis même pas sortie, rien donné, pardonné. Je t'ai laissé t'en aller. Pas chez moi, je ne me sens pas chez moi. C'est éphémère, je t'ai promis et j'ai menti. Je m'en suis même pas sortie. Cœur de pierre, j'ai mal envers. Dans tes mensonges, tu te perds. J'ai voulu te dire, j'ai tout oublié. Pourquoi faire? J'ai voulu t'offrir, mais je me suis fanée. Je te garde loin de moi. De Neven, on a écouté VX et le cœur comme balle. Wow. Et on est toujours avec Neven. Ça va toujours, Neven? Ben oui, ça va trop bien, c'est bon. Moi, je suis parti pour rester toute la nuit ici. Hein. D'accord, bah, tu vas nuire après, j'ai pas de soucis, hein, je te donne le micro. Hein. Moi, je suis en direct depuis 20h. Hein. Bon, allez, petit tour sur le chat, on va aller voir. Attends, je tourne l'écran, hop, tac, tac, comme ça. Ouah, je vois mieux. Ouah, c'est génial, c'est magique, les enfants. On a. Je remonte plus haut. Ici, vidéo qui dit ton clip, le cœur comme balle, est beau. Merci, vidéo. Alors là, ouais, le clip, en plus, c'est un réalisateur qui est aussi un très grand ami à moi qui s'appelle Maxence Rapp, qui est incroyablement talentueux. Mmh. Qui m'a fait un truc de dingue, trop beau, trop belle lumière, il a un univers complètement fou et j'adore ce titre et j'adore ce clip. On a qui? On a Calamity qui demande quel est ton rêve? Oh là là. Elle Calamity, en plus je l'aime trop, je sais qui c'est. Ah, bonsoir Calamity. Ouais, elle est incroyable. Je l'aime trop. Quel est mon rêve? J'ai plein de rêves. J'ai des rêves qui sont déjà réalisés. Mmh. Et mon rêve, c'est de continuer à me lever tous les matins et d'être heureuse de faire ce que je fais et d'être là où je suis, en fait. J'arrive à avoir cette gratitude-là de me dire mais j'ai trop de chance d'être en bonne santé et d'être bien. Et de... Voilà. T'as bien raison. On a Elias qui dit que penses-tu de tes fans? Alors attends, excuse-moi, c'est que je... J'étais en train d'écrire un message en même temps. Que penses-tu de tes fans, c'est ça? Ouais. J'aime trop mes fans. J'ai trop de chance d'avoir des gens comme ça. Ils sont fidèles, ils sont trop gentils, ils sont toujours à l'écoute, ils sont là en train de me soutenir tout le temps. Tous les jours, je reçois des centaines de messages, mais tellement gentils. Enfin, j'ai trop de chance. C'est vraiment un moteur, c'est tellement cliché, mais en même temps, c'est tellement la réalité. Les gens, ils nous donnent de la force. C'est. Tout à fait. C'est un peu fou. On a Patricia qui dit sublime, je suis vraiment heureuse de vous découvrir. Ah, alors Patricia, magnifique Patricia, je ne sais pas qui tu es, ni quel âge tu as, ni d'où. Si elle nous a dit d'où elle venait tout à l'heure. Mais en tout cas, t'as l'air très active et merci beaucoup pour tous ces messages. Hein. Ouais, elle a encore posé une question. On a Lou, on échange de temps en temps sur Insta et c'est top d'entendre ta voix. Ce soir, en tout cas, continue Neven, suis ton étoile qui brille. Oh là là, non mais c'est trop gentil. Alors Lou, on échange sur Instagram. Alors oui, c'est que tu dois avoir un très bon cœur, parce que j'échange vraiment avec des gens de fous. Ça me fait trop plaisir, tous ces messages-là. Ça fait plaisir, c'est vachement bien. On a Patricia qui marque VX, point d'interrogation. Je pense qu'elle veut savoir ce que ça veut dire, quoi. Ah, VX, c'est un poison, en fait. D'accord. C'est le nom d'un poison très puissant, parce que dans le clip, en fait, j'empoisonne le mec avec qui je suis. Voilà, c'est très... c'est très joyeux. Mais voilà, je suis un peu une veuve noire en fait dans ce clip-là, donc j'ai décidé d'appeler ça VX. Ouais. Donner le nom d'un poison au titre de la chanson. On a un mot spécial qui dit un mot spécial, point d'interrogation. c'est une question. Bah oui, oui, il y a point d'interrogation, c'est une question. Alors, un mot spécial. Ouais. Ah bah oui, oui, en plus, un mot spécial, comme ça je peux glisser un petit truc. En fait, je collabore avec une association incroyable qui s'appelle l'association AIDA, qui aide en fait les jeunes qui sont, enfin qui soutient les jeunes qui sont dans les hôpitaux et touchés par un ou des cancers. Et on essaye d'amener en ce moment la musique à l'hôpital, de faire des ateliers d'écriture, de faire bouger un peu les choses. Ouais. Et donc c'est une très belle association qui s'appelle l'association AIDA et je vous invite tous à la découvrir si vous la connaissez pas et à soutenir. C'est dirigé par une jeune fille qui s'appelle Léa Moukanas, qui est très jeune, mais qui, enfin, qui est très jeune, qui a la vingtaine, qui est incroyable, qui a monté cette association. Et voilà. AIDA. Donc voilà, AIDA, ça s'appelle. Et il y a une page sur Instagram. Et c'est vraiment incroyable. Je suis très, très, très, très impliquée et j'espère que je le serai encore plus à l'avenir. Voilà, on a Patricia qui donne son âge sur le chat. Patricia. De Solcy sur Mer, ouais, t'as vu, t'es bien, on est là, Solcy, les Vosges. C'est les Vosges, Solcy. Oui, oui, c'est les Vosges, c'est juste à côté de Saint-Dié. Oui, c'est à côté de Saint-Dié. Oh là là. Solcy sur Mer, avec un cœur. Ouais, Patricia, t'as le même âge que moi. Elle a quel âge ? Elle a 29 ans. Ah, je me disais aussi. Elle a 29 ans comme moi. Tu vois, moi j'ai 29 ans. Ah oui, ah oui. Bienvenue Patricia. Bienvenue dans la libre antenne de Fred. Et merci de nous écouter. Patricia, ça fait toujours plaisir de voir que bah, les alentours de Saint-Didier-Vosges, on nous écoute. Et oui. C'est une fan de toi, là, Patricia, j'ai l'impression. Non, de toi. C'est une fan de toi. De toi. Pas moi. Qui veut être fan de moi ? Personne. Mais personne veut être fan de moi. Personne m'a vu. Moi, on me voit pas, on m'entend. Donc. Voilà, on s'imagine comment je suis. Moi, je suis un beau gosse. J'ai été sur M6 il n'y a pas très longtemps, donc voilà. Ah, c'est vrai? Je vais aller sur. J'ai été dans The Voice aussi, Lelo, avec Nikos. J'ai fait venir. Ouais. Non, je déconne, c'est pas vrai. Je connais un petit peu. Ah, en plus, j'y crois. Hein. Je suis hyper naïve. Je le dis, j'y crois. Bon, je connais un peu The Voice, voilà. Je connais un peu l'équipe de The Voice parce que ça arrive de faire des interviews de ceux qui font The Voice. Ouais. L'année qui est présente, là comme cette année, j'ai pu faire une interview de Sonia Gousset qui est du Grand Est et qui viendra le 5 juin pour enregistrer l'émission Fais son live. On a l'eau à Bordeaux aussi, on écoute. Merci Bordeaux, c'est génial. Et oui, en plus Bordeaux c'est trop beau, on adore. Ah Bordeaux, le vin. Le vin, Bordeaux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à Bordeaux comme plat? Merde, je sais plus. Google, vite, Google. Déjà, Bordeaux, c'est trop bien. Et les Bordelais, j'aime trop. La ville est belle. Ouais, ouais, c'est vrai. Et voilà. Et en plus, si j'ai des fans à Bordeaux, bah, j'aime encore plus la ville, voilà. Ah bah, merci. Toutes les villes de France sont magnifiques. Et... Bah oui. Bienvenue, Lo. Sois la bienvenue sur Radio Saint-Dié dans les antennes. Et puis... Allez, on continue les questions. C'est sur le premier ou deuxième écran? Ah, c'est le premier. C'est tombé. C'est le premier écran. Je fais tout tomber, ma cette heure-ci, 23h03, je fais tout tomber. T'as le droit de faire tomber à cette heure-ci, c'est bon. Ah, j'ai vu qu'il y avait quelque chose. L'entrecôte à Bordeaux. Ça y est, ça parle debout, je vais avoir faim. Ça parle de bouffe, genre, enfin. Parlez pas de bouffe sur le chat. Parce que je vais mettre une musique et je vais aller bouffer. Je suis capable en plus, hein. Surtout à cette heure-ci. Allez, on retourne dans nos questions pour Neven. Alors, on va aller ici, ici, ici, ici. Ici, bon, celle-là, ouais, ça a été posé sur le chat. Neven, quand tu chantes pas, est-ce que tu as un hobby, une passion autre que la chanson ? Eh ben oui. Ouais. Plein de trucs. Franchement, en plus, je suis pas du tout ce cliché de chanteuse qui chante tout le temps et tout. C'est absolument pas ça en fait. Mmh. Ça veut dire même quand on me dit vas-y, chante, allez, ça je déteste. Et donc, du coup, j'aime plein de trucs. J'aime la nature, j'aime voyager, j'aime me balader avec mes chiens dehors. J'aime aller à la mer, j'ai une passion pour la mer. J'aime lire, j'aime aller à des expos, je suis vraiment... tout ce qui concerne l'art, de toute façon, ça me passionne. L'art, tout ça, lire, les films. Lire, les films d'horreur, j'aime trop. Oh. Les enquêtes criminelles, j'aime trop. Moi, ouais. Pas trop, moi. Non, enquêtes criminelles, c'est pas mon kiff. Les films d'horreur, ouais, c'est mon kiff. Les films paranormal, ça, c'est mon kiff. Voilà. Ah, oui, ça, j'aime trop. Ça, c'est mon kiff, les enfants. Ouais. Paranormal. Si je vous parle de paranormal, les enfants, c'est que vous allez retrouver prochainement une émission, le retour de Libre Antenne Paranormal, mais vous ne m'entendrez pas tout le temps. Puisque. Ah, mais c'est trop bien. Parce qu'il y a un nouvel animateur que je forme qui s'appelle Mike et qui fera dorénavant Libre Antenne Paranormal. Donc la prochaine, ce sera en juin en direct. Là, ce sera en direct dans le studio, mais vous allez pouvoir découvrir Libre Antenne Paranormale le samedi 29 mai de 21h jusqu'à 23h en vidéo sur YouTube, sur Facebook et en audio sur le www.radiosindy.fr le 29 mai, les enfants. Donc vous pourrez le voir et le prochain rendez-vous de Libre Antenne Paranormale, ça restera de l'audio et là il n'y aura pas de vidéo parce que dans le premier studio, il n'y a pas de caméra parce que je ne veux pas de mettre de caméra. Parce que la radio, c'est la radio. Et Libre Antenne Paranormale, c'est l'ambiance paranormale. Donc la deuxième émission de Libre Antenne Paranormale se fera en juin. La date, je vous le dirai prochainement sur les réseaux sociaux. Ne vous inquiétez pas, il y aura du lourd en paranormal. Donc nous, on continue nos questions avec Neven. Et n'hésitez pas, Neven, le single de Seal, il est disponible partout. Ouais, partout, là. Partout. Le clip sur YouTube. Ouais. Et le single partout, quoi. Le single partout. Est-ce que t'es monté sur scène depuis ? Non. Est-ce que tu t'es déjà produite sur scène ? Ouais. En plus, il y a un moment, j'ai fait l'Olympia. Ouais. Et qu'est-ce que t'as ressenti quand t'es monté sur scène ? T'as ressenti quoi ? Quel est le comment t'as ressenti ? T'étais comment quand t'es monté sur scène ? J'étais trop stressée. Stressée. Mais contente aussi. Trop heureuse. En fait, j'étais stressée au tout départ parce que je me suis dit, oh là là. Et en fait, je me souviens d'un jour précis, d'une date précise où j'ai bloqué sur un mec qui était en face de moi dans le public et qui chantait mes paroles en même temps que moi. Ouais. Et je lisais les paroles sur ses lèvres. Et je sais pas, ça m'a transportée ailleurs pendant une seconde. J'ai oublié que j'étais sur scène et tout. Ouais. J'ai oublié de chanter. Je me suis arrêtée de chanter. Et après, je suis revenue à la réalité, quoi. Mais c'était fou. Et ça fait des émotions de dingue, quoi. C'est vraiment. C'est la scène, hein. Après, ça dépend. Des fois, je suis sortie de scène. Des fois, j'ai pleuré en sortant de scène. Parce que j'avais eu trop d'émotions. J'étais trop pleine de. Voilà. Pleine d'émotions. C'est génial. C'est une autre vie, la scène, quand même. Hein. Ça fait du bien pour l'artiste. Hein. Oui, et puis il faut que les chansons vivent dans le cœur des gens en face et avec les gens. C'est fou. C'est clair. En fait, le cheminement d'une chanson qu'on écrit chez soi. Dans sa chambre ou quoi, qui va loin, loin jusqu'à être dans la bouche des gens après sur scène, c'est fascinant. C'est fascinant, ça c'est clair. Oui. Évidemment que ça revienne. Allez, là on arrive à l'instant bugage d'artiste, parce que tous les artistes, quoique ils n'ont pas trop bugué depuis 3-4 émissions, ils ont su répondre à cette question qui n'est pas facile à répondre. Bien sûr, il y a un joker. Si tu prends le joker, tu devras poser une question. Ah ben à moi, parce que je suis tout seul dans le studio. Et bien sûr, c'est pas trop, ça serait trop facile, tu auras 10 secondes pour y répondre. C'est très très court. Ah non. Ah si, bah toi aussi tu y passeras, tout le monde est passé. Donc voilà, il n'y a pas de jaloux dans les antennes. Tout le monde passe, voilà, tout le monde. Alors attention, juste après ma question, tu auras 10 secondes. Attention, 3, 2, 1. Quelle est la question que l'on ne t'a jamais posée en interview et à laquelle tu aurais aimé répondre? Top chrono, 10 secondes. Wow. Tic tac, tic tac, tic tac. J'ai plus le bruitage. Ça presse le bruit là. Alors attends. Si. Alors en fait, j'aurais aimé qu'on me demande qui j'aurais aimé être si j'avais pas été moi. Qui aurais-tu aimé être si tu n'aurais pas été toi, Neven? Vivant et mort. J'aurais aimé. Je sais même pas. J'aurais aimé être Frida Kahlo. Je l'aime trop. Je connais pas. Après, elle a beaucoup souffert. Donc, c'est un peu triste de dire ça, mais. Mais Frida Kahlo, je suis fascinée par les femmes qui ont eu un grand destin, les Dalida, les. Voilà. Ouais. Les femmes fortes qui se sont battues à leur époque. Pour exister en tant que femme, et voilà. D'accord. Quel est ton meilleur souvenir depuis que tu chantes? Mon meilleur souvenir, je pense que je ne l'ai pas encore vécu. Ah, donc ça va être des bons souvenirs. Donc, tu as eu des bons souvenirs. En fait, je pense que quand je vais retrouver la scène, oui. Je serai à la bonne place, avec la bonne équipe, avec le bon morceau, là ça va être incroyable. C'est clair. C'est clair. Hop, je retourne à la question. Où peut-on te retrouver sur les réseaux sociaux, Neven? Vous pouvez me retrouver sur Instagram en grande partie. Mon pseudo, c'est neven.officiel. Ouais. Voilà. Et sinon, je suis sur Facebook, mais Facebook, je ne l'utilise pas trop. Il faut que je le remette en marche. Ouais, j'ai vu. Mon fan, il me le dit souvent. Et c'est vrai que je ne l'ai pas travaillé pendant un moment. Et là, je vais m'y mettre. J'ai vu que t'es pas trop actif sur Facebook, j'ai vu que t'étais plus actif sur Instagram. Instagram beaucoup, ouais. Ouais, parce que Facebook, c'est pour les boomers. Ouais, je dirais rien, mais... Ouais, c'est pour les boomers. Moi, je prends tout, moi. Je prends Instagram, je prends Facebook, je prends TikTok. Bah là, on dit, là, c'est Facebook, donc voilà, je prends plus Twitter. J'ai arrêté Twitter, d'aller sur Twitter. J'y n'y vais plus. J'ai jamais eu Twitter. J'y allais avant, avec Radio Saint-Dié, mais j'ai arrêté depuis depuis 2 ans, j'ai arrêté d'y aller, moi, sur Twitter. Je poste plus sur... Non, c'est trop trash, Twitter. Ils sont trop méchants. Moi, j'aime bien les gentils, là. Oui, c'est vrai qu'ils sont méchants sur Twitter, mais ouais. Bon, en même temps, ça, ils sont super pertinents et ils sortent des trucs vraiment... Moi, ça me fait rigoler. Ouais, mais moi, je dis, bon, ça pue du cul, Twitter. C'est comme je l'ai toujours dit, Twitter, ça pue du cul. J'aime bien Facebook, j'aime bien Instagram, j'aime bien... Je commence à aimer un petit peu TikTok, mais bon, je mets pas de vidéo, parce que, bon, comme j'ai dit, moi, la vidéo, ça fait deux. Mais le plus Instagram. Instagram, je commence à publier pas mal d'affiches quand même sur Instagram, c'est vrai. Instagram, c'est bien, franchement, moi, j'adore Instagram. Et allez-y. J'adore les stories, j'adore tout... J'aime trop Instagram. Et nous, y a aussi l'Instagram de la Libre Antenne de Fred. Hein. Vous tapez la Libre Antenne de Fred et vous tomberez sur le logo bleu et vous verrez que c'est la Libre Antenne de Fred. Donc vous pourrez voir les affiches des artistes qui passeront dans l'émission ou qui sont déjà passés. Et n'oubliez pas qu'il y a aussi le podcast le lendemain, donc sur le www.radiosaint-dié.fr. Vous retrouverez ce podcast, vous retrouverez l'interview de Neven, bien sûr. Allez la suivre, allez acheter ses titres. Et puis voilà, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Neven, pour cette année 2021? Et en retour, quel serait le message final pour ton public? Alors, ben le succès, la santé, tout. Voilà. Ouais, le succès et tout. Et que ce soit pas le Covid et que la vie reprenne un peu normalement. Là, tout à fait, c'est vrai. Que ça revienne. Ouais. On a marre du Covid, c'est démodé maintenant. Il a fait son moment de mode, le Covid, mais maintenant c'est démodé, maintenant c'est la vraie vie qui va redémarrer. On a Shaima qui pose une question qui a été déjà posée. Avec quel artiste voulez-vous faire un duo? Qu'elle demande. Bah, en plus, j'ai répondu Soul King. Soul King, ouais. Voilà. En plus, il y a beaucoup ses fans sur le chat, donc voilà. Shaima qui marque Love You aussi. Eh ben, Shaima, gros bisous. Bisous, Shaima, et tu sois la bienvenue sur Radio Saint-Dié, la libre antenne de Fred. Shaima, tu es de quelle ville, Shaima? Qu'on fasse une petite dédicace. Vas-y, dédicace. Voilà. Allez, je vous laisse encore une minute, les amis, pour poser une question sur le chat. Et après, moi, je vais partir dans le monde du dodo. Du sommeil, ben ouais, là, quand même. J'ai pas fini, j'ai encore le podcast. J'ai pas fini. Ouais, voilà. Bon, ben, le temps qu'ils écrivent, hein, demain, on est encore là. Voilà. Mec, bon, bah oui, là, de toute façon, il y a beaucoup de choses. Je pense qu'on a fait le tour de la question. On a vide qui marque Patricia, je sais pas pourquoi. Bon, bah super. Patricia, vide et Patricia, c'est du coup. Ce sera le mot de la fin. Le mot de la fin, Patricia, voilà, le mot de la fin. Soyez les bienvenus, chatteurs, bien sûr, ça c'est super ce que vous avez fait ce soir. C'est le but du chat, qu'il soit vraiment interactif et que vous pouvez poser vos questions. Et vous le voyez, je pose les questions. Eh ouais. Ouais. Ah, si ça arrive, Max, tu. Quoi? Tu Pierre préfères. Attends. C'est moi ou c'est. Ah oui, tu Pierre préférée à laquelle. Ta pierre préférée, parce que j'aime trop les pierres. Ah voilà, ta pierre préférée. Et quel conseil tu donnerais pour un bon karma? Pour un bon karma, soyez droit. Et le bien revient toujours au bien. T'as quoi comme pierre? Là, sur moi, j'ai de la labradorite. Ouais, moi, j'ai une pierre, c'est vert, c'est une pierre verte. C'est du jade? Non, je sais pas. Non, je sais pas. L'aventurine? Ouais, je crois que ça doit être ça. Ouais, c'est trop beau, j'aime trop. J'aime toutes les pierres. Je trouve que c'est même plus de ce qu'elle est. Max, on t'aime. Elle est où, la pierre? Hé, hey, Pierre, t'es où, Pierre? C'est Pierre, viens. Ah, le pierre bleu. Je l'appelle pierre bleu, vert. Pierre, je la porte plus. Je me pose de je l'ai mis. Hein. J'avais même un bracelet. Je pense. Bah alors. Je sais même pas ce que je les ai mis. Hein. Patricia qui nous fait. Timide, elle est timide, Patricia. Donc, Patricia. Ah, on a vide et Patricia, attention, là, on va vivre une grande histoire d'amour en direct dans la antenne de Fred. C'est une première. On a l'eau qui marque à bientôt Neven avec bisous cœur. Et merci Fred. Merci l'eau. Merci de rien. C'était un plaisir. Merci toi. Merci. Beaucoup. Merci les chatteurs. Merci les fans. Voilà. Ouais, merci les fans. Je vous aime trop. Et voilà, nous, on va terminer cette interview avec ton dernier single qui s'appelle Docile. Ouais. Merci beaucoup, Neven. Ben, merci beaucoup à toi, Fred. Mais de merci. Rien. C'était un plaisir. Merci. Je suis partie de rien, tu sais. J'ai appris toute seule, c'est vrai. Je tire un trait sur le passé. Tout ce qu'on m'avait promis, c'est dépassé. J'ai dû mentir sur ma vie, je suis dépassée. On grandit pas sans regret. Et quand je suis mon instinct, je ressens plus rien. Je sais pas où je vais ni où je serai demain. Y'a comme une histoire ratée, tatouée sur mes mains. Le passé, c'est le passé, parti de rien. Docile, je ne suis pas docile. Je veux être tranquille et je ne veux pas de toi, pas de toi, non. Abusé de ma confiance, pour toi j'ai plus de patience. Ça tourne autour de toi. Mais t'as pété les plombs, t'écoutes même pas. La vraie vie, c'est pas ça. On te dit qu'on t'aime, mais toi tu y crois. Tu te prends trop la tête, tu vois que toi. Et dans une cage dorée, tu finiras. Où t'étais, je sais même pas. Y'a plus que ma voix que t'entendras. Et quand je suis mon instinct, je ressens plus rien. Je sais pas où je vais, ni où je serai demain. Y'a comme une histoire ratée, tatouée sur ma main. Le passé, c'est le passé, parti de rien. Docile, je ne suis pas docile. Je veux être tranquille et je ne veux pas de toi, pas de toi, non. Abusé de ma confiance, pour toi j'ai plus de patience. Mais là y'a plus rien à dire. Tu deviens de pire en pire. Et tu perds ton temps. Et tu passes ton temps à penser que je vais revenir. Docile, je ne suis pas docile. Je veux être tranquille. Et je ne veux pas de toi. Pas de toi, non. Abusé de ma confiance. Pour toi j'ai plus de patience. C'était excellent, merci, merci. C'était Docile de Neven, les enfants. Il est 23h19, il est grand temps de vous annoncer les artistes de la semaine prochaine. On sera le combien la semaine prochaine? On sera le 28 mai, on sera le dernier vendredi de ce mois de mai. Et oui, on sera encore en direct de 20h jusqu'à 23h. Alors, on aura aussi encore du bon monde, on aura aussi encore des découvertes sur le Groover aussi la semaine prochaine. Il n'y a que ça en ce moment, et ça fait plaisir de découvrir ou faire découvrir des artistes que d'autres radios ne vous font pas découvrir, et nous à Radio Saint-Dié on fait découvrir. La semaine prochaine, elle sera de retour encore une fois. Elle s'appelle Sonia Rousset, qui sera là avec son groupe la semaine prochaine. C'est Sonia and the Freaky Ones. Ils seront avec nous de 20h jusqu'à 21h. À 21h, c'est aussi un duo. Ça s'appelle Guillaume et Océane les Yeux d'Olga. Donc ça, c'est aussi une découverte Groover. Et à 22h, c'est Cassandre aussi. C'est une découverte aussi Groover. Donc la semaine prochaine, il y aura du bon monde. Ouais. Et il y aura de la vidéo aussi. Donc, restez connectés sur Facebook de la Libre Antenne de Fred. Et soit ce sera de la vidéo en direct ou alors le lendemain, on verra. On verra. Mais je pense que Sonia, The Freaky Ones, vous pourrez aller voir en direct. Je pense que ce sera faisable. Donc, je remercie Neven d'avoir accepté de passer dans la Libre Antenne de Fred. Je remercie. Attendez, je retourne dans le truc. Voilà, ici. Tac, tac, tac. Hop, je fais tout en direct, moi j'aime bien, j'adore, je fais tout en direct, comme ça les gens vont dire, hop, voilà, je remercie les artistes ce soir, Neven, Carla Stack et Olive. On a été en direct de Belgique, ensuite on est parti en Angleterre, à Londres, on est retourné à Paris, et là on est retourné à Saint-Dié-des-Vosges, voilà, ça a fait voyager la Libre Antenne de Fred, hein. C'est dingue quand même, hein. on voyage, hein. C'est un truc incroyable. Nous on se retrouve la semaine prochaine, de 20h à 23h en direct, ok, avec, pour terminer cette émission, on va la terminer en toute douceur, hein, en petite douceur comme ça du soir, avec Sonia and the Freaky Ones, qui seront nos invités, nos premiers invités, vendredi prochain, de 20h jusqu'à 21h. Allez, nous, on donne rendez-vous vendredi prochain. Sur ce, bonne nuit et à la semaine prochaine. Even 20h, 23h, c'est la libre antenne de Fred sur Radio Saint-Dié.